faux, croyez-le. Un intérêt de tout premier ordre pour que je vienne dénoncer à cette tribune l'attitude équivoque du gouvernement dans l'incident de Bucarest. Bucarest, avec un K. Ah, oh, pardon. Ah, puis écrivez plus vite, je vous prie. Hein. Et l'incurie criminelle du ministre des Affaires étrangères. Madame, fait demander à monsieur... Affichez-moi la paix, vous voyez bien que je suis en train de dicter un discours à mon secrétaire. Alors, poursuivez, je vous prie, je vous prie. Et l'incurie criminelle du ministre des Affaires étrangères. Incurie, vous ne trouvez pas incurie un peu dur pour un homme dont je suis l'ami? Alors, mettez, si vous voulez, l'incapacité criminelle d'un homme dont je m'honore d'être l'ami. Oui, voilà, ça c'est très bien, puis ça contente tout le monde. Voilà. Eh bien, mon discours fera un effet énorme sur la chambre. Comment le trouvez-vous? Oh, ben moi, vous savez. Dites-moi, pourquoi m'avez-vous demandé cette charge à fond de train contre le ministère? D'abord, parce que c'est la première fois qu'il y a en France un ministère nettement socialiste. Mm. Et moi, j'en suis pas. Mm. Et puis, j'ai une autre raison. Ah. Vous savez, on ne s'occupe à Paris que de la venue prochaine du roi de Cerdagne. Grosse affaire politique. Un traité de commerce d'un intérêt primordial pour la France et pour lequel on négocie depuis des années. Un équilibre d'alliance qui assurera la paix du monde au moment où l'Europe... Nous sommes seuls, hein? Ah oui, oui, oui. Bref, Jean IV sera à Paris dans 3 semaines. Un déjeuner diplomatique doit avoir lieu au ministère des Affaires étrangères. Il n'y aura là que des ministrables. Je veux que Gabriel m'invite. Il vous invitera. Oui. Hmm. Ouais, puis d'ailleurs, ça va pas mal en ce moment. Ainsi, ce matin, j'ai reçu une demande flatteuse. Ah, de qui? Du dictionnaire Larousse, qui réclame une biographie et la serra en bonne place. Ah, ben alors là, Bourdier, ça va se situer entre bourde et bourdonnement. Hein. Okay. Bien, mettez-vous là. Et je vais vous dicter quelques mots, vous rédigerez ça. Hein. Bourdier, Victor Auguste Émile, né en 1860. Mort en... Hein? Ah, pardon, c'est une distraction. Homme politique, grand industriel, vastes usines... Sorti du peuple. Et décidé à ne pas y rentrer. Oh, mais soyez donc sérieux. Maire de Gourville, conseiller général, député de Sénéheur, espoir du Parti Socialiste. Et, enfin, etc., etc., etc. Passons maintenant à l'homme privé. Émile Bourdier, marié 2 fois, a de son premier mariage une fille charmante. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi, papa. Ah, c'est toi, ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? Comment est-ce qu'il y a? Tu m'as oublié encore, naturellement? Alors, je t'ai bien élevé, parlons-en. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais tu ne penses plus que tu m'as promis de me consacrer une demi-heure cet après-midi, à moi toute seule? Ah oui, mais oui, mais c'est bon, vrai. Ah, bah, tu m'as donné rendez-vous à 5 heures, ben voilà. Oui, mais je travaille tout à l'heure. Mais c'est ennuyeux, c'est très important, très sérieux ce que j'ai à te dire. Ouais. C'est pas de la politique. Eh bien, dans un instant, reviens dans un quart d'heure. Ah, c'est toujours comme ça quand il s'agit de moi. Tiens, veux-tu que je te dise? Il n'y a plus de parents. Ouais. Flûte! Flûte! Oui. Une fille charmante, dont la douceur et la tendresse respectueuse le reposent des agitations du Parlement. Il mène à son foyer, entre sa fille et sa seconde femme, une existence toute de calme et d'affection. Eh ben mes compliments, vous l'avez aujourd'hui, la risette. Je te demande pardon, je ma chère, prie, mais... Hein, tu viens de mettre ta fille à la porte, mais avec moi, ça ne prend très peu. Mais voyons, ma chère... Oh, c'est du propre de te conduire comme ça, avec cette pauvre petite premier lit. Et faut que ce soit moi, sa marâtre, qui la console. Oh, bah ben, tu l'as, la fibre. Ah, mon petit Riblon, vous allez faire une course. Alors, tu ne veux pas me laisser travailler? Non, non, mais d'ailleurs, il suffit de quelques lignes, n'est-ce pas? Eh ben, vous arrangerez la fin. Ah, parlez de mon second mariage. Bien, hein. C'est moi qui marche. Union charmante, avec une jeune femme... de conditions modestes, mais de rares distinctions, qui lui rend en amour tout ce qui lui donne de bonheur, etc., etc. Enfin, vous voyez ça d'ici, hein? Parfaitement, monsieur. Bah, il en a une vue. Ah, allez, allez, mon petit Riblou, rédigez ça avec soin. Alors, tu vas faire imprimer dans les feuilles que je te repense en bonheur ce que tu me glisses en amour? Eh ben, mon vieux. Ma chère, puisque mes observations sont restées jusqu'ici sans effet, l'heure est venue pour moi de vous rappeler certaines choses. Oh, on se dit vous? Comme dans du Paul Bourget. Ou alors, souffrez que je prenne un siège. Oui, c'est ça, et ne frétillez pas. Lorsque je vous ai épousé il y a 8 ans, vous n'étiez qu'une simple midinette chez un couturier de la rue de la Paix. Ah pardon, rétablissons les faits. Hein. À 16 ans, j'étais déjà bouffeuse de manches et j'étais sur le point de passer clocheuse de jupe. Mais soit, mais moi j'étais déjà, quoique ma situation fût loin d'être ce qu'elle est devenue depuis, j'étais déjà Bourdier. Bourdier et compagnie. Ben moi, j'étais you-you et compagnie. Mais, une chose qui est inutile de rappeler. Tu te rends pas compte que c'est déplorable avec ma situation, nos relations? Oh, nos relations, les invités en solde? À notre dernière soirée, il y a un petit lot de femmes de tes collègues. Quelle caravane! Eh bien, justement, ça va changer. Tiens, lis. Non. Parfaitement. Le marquis de Chamarande, notre noble voisin, me demande de le recevoir cet après-midi. Oh, ben ça alors! Et tu lui as répondu? Bon, que je l'attendais, tu penses. Un homme qui jusqu'ici m'a tourné le dos, et je peux pas faire autrement que d'être poli. Tu sais que le marquis m'a pas pardonné de l'avoir remplacé à la mairie et battu à la chambre. Je sais même qu'il est furieux de voir son fils, le comte Cernin, fréquenter chez moi. Oh, le comte Cernin! Oh, ben parlons-en de celui-là, il est jovial, dis donc. Il a dû avoir le cerveau pris dans un engrenage, non? Pauvre gosse. Non, il est très gentil. Oh. Et c'est un des danseurs de Suzette. Je crois même qu'il lui déplaît pas, tu sais. Et voilà que le père, à son tour, vient faire sa soumission. Mais je croyais que tu méprisais les nobles. Parfaitement. Mais je suis pas fâché de pouvoir les mépriser chez moi. Et à ton idée, pourquoi vient-il, le Chamarande? Oh, je vois qu'une raison plausible, quoi. Il vient m'inviter à la chasse du roi. Du roi? Quel roi? Ben, le roi qu'on attend à Paris, qui doit venir passer 24 heures au château de Chamarande, chez le marquis, dont le père a été autrefois ambassadeur en Cerdagne, au sombre jour de la République monarchiste. Ah! C'est le roi de Cerdagne? Ben oui. Ah, ça, c'est épatant. Ok. Je le connais. Comment tu le connais? Ah, mais je le connais. Il est bienvenu à Paris, il y a 8 ou 9 ans. En effet. Hein? Il est passé rue de la Paix. Ouais. Il y avait des cuirassés, là, des drapeaux, du tricolore partout. Ouais. Tout le monde lui jetait des fleurs. Ouais. Alors moi, j'étais à la fenêtre de l'atelier, mais j'étais vexée, tu comprends, j'avais pas de fleurs. Seulement, j'avais un chausson aux pommes. Et alors? Alors, j'y ai jeté. Oh. Ah, mais le malheur, c'est qu'il l'a reçu dans l'œil. Oh, puis en plein, hein. Oh, ça a fait un raffut. On a cru à un attentat, on a arrêté le cortège. À la suite de ça, il a eu l'œil poché. Et puis moi, eh ben, j'ai failli être flanqué à la porte de l'atelier. Enfin, attends, l'événement historique, quoi. Et voilà encore une chose qu'il est inutile de rappeler. Surtout au marquis. Ah, celui-là, je veux pas le voir. Hein. Oh, bah, tu le verras sans doute pas. Mais si des fois tu le rencontrais, tiens-toi. Aie de l'allure, parle peu. Et ne tortille pas. Oh, je t'en supplie, ne tortille pas. Mais je te le promets, là. Ah. Monsieur, il y a un électeur qui vous demande. Ah oui. Oh, si je le faisais recevoir par le gramophone. Et qui est-ce? Je ne le connais pas, monsieur. Ben, comment est-il? Il n'a pas les palmes. Ah, oui, alors je vois qui c'est. Alors, il faut que je lui parle, monsieur. Ne frétille pas! Allez. Ah, papa s'en va encore? Oui, oh oui, ma fille, on le demandait. Mais n'ayez pas d'inquiétude, allez. Je suis avec vous, moi. Ah, hein? Vous êtes une chic petite belle-mère. On s'entend bien? Oui. On est une paire de petites amies. Et pourtant, d'abord, j'avais de la méfiance. Moi, je me disais, une belle-mère, c'est pas un cadeau à faire à une enfant. Si j'avais peur que vous ne fussiez sévère. Non, soyez. Mais non, fussiez. Oh. Que vous me donnassiez des conseils. Puis pas du tout. Vous m'en avez demandé. Ça m'a flatté. Oh, je vous aime bien aussi, ma petite Suzette. Et si je peux vous être bonne à quelque chose, hein? Merci, mais pourquoi? Oh, oh, soyez pas hypocrite, hein. Je me doute de bien les choses. Oh. Monsieur le comte Cernin de Chamarande. Bien, je m'en doute même si bien que je m'en vais. Oh, vous êtes gentille. Au revoir, mon. Au revoir. Bébé. Oh, mademoiselle, quel bonheur de vous rencontrer. Parce que si vous n'y aviez pas été, voyez-vous, ça aurait été effrayant. Je vous assure, effrayant. Mais puisque je suis là, monsieur Cernin. Oh oui, c'est vrai, vous êtes là. Alors tout ce que je viens de vous dire n'existe pas. Ça n'existe pas. Quel bonheur de vous rencontrer. C'est vrai? Alors, vous m'aimez toujours, monsieur Cernin? Oh, si je vous aime, mademoiselle Suzette. Mais si je ne vous aimais pas, je serais le plus malheureux des hommes. Je ne vivrais plus. Je ferais des choses folles, des choses terribles. Je me tuerais. Je voyagerais. Je lirais. Oh, si je ne vous aimais pas. Mais puisque vous m'aimez. Oh oui, c'est vrai, je vous aime. Alors tout ce que je viens de vous dire n'existe pas. Ça n'existe pas. Quel type vous faites? Alors c'est vrai, Suzette. Vous voulez bien devenir ma femme? Je veux bien. Seulement... Quoi? Réfléchissez bien. Je suis très riche, vous savez. Ça ne vous contrarie pas d'épouser une si grosse dot? Oh non, je vous aime assez pour passer par là-dessus. C'est très bien. Mais réfléchissez aussi. Je suis d'une grande famille. Ça ne vous ennuie pas de devenir un jour marquise? Non, je vous aime assez pour passer par là-dessus. C'est très chic. Oh, il faut qu'il consente, il le faut. Oh! Quoi? Oh, j'oubliais de vous dire pourquoi je suis venue. Imaginez-vous, justement, mon père va venir ici tout à l'heure. C'est une occasion admirable. Je vais parler à papa tout de suite. Oh oui, oui, mais que d'obstacles entre nous. D'abord, les opinions de votre père. Si seulement il était monarchiste. Ah, mais il le serait tout de suite. Si seulement il y avait une monarchie. C'est un très brave homme, papa. Bon, bah écoutez, je vous laisse pour que vous lui parliez, parce que s'il me voyait ici, ça serait épouvantable, épouvantable. Mais puisque vous vous en allez... Oui, oui, souvent, ben oui. Alors tout ce que je viens de vous dire n'existe pas. Ça n'existe pas. À demain. À demain. Il est très gentil. Papa, je t'attends dans mon petit salon à moi. Si tu n'es pas venue me parler dans une demi-heure, je serai morte de chagrin et tu verras la tête que je ferai à dîner. Monsieur Rivelot. Mademoiselle. Vous soyez bien aimable d'en mettre ce mot à papa. Bien, mademoiselle, mais vous savez, il est très occupé. Il est en train de recevoir un électeur et comme vous voyez, je m'apprête à en faire recevoir un autre. Ah, avec le gramophone? Oui. C'est renversant, cette idée de papa. Ah oui, c'est une idée américaine, mais notre appareil est encore plus perfectionné. Non seulement il débite le discours du député, mais grâce à un simple déclic, il enregistre les réponses des électeurs. Oh, c'est drôle. Oui. N'oubliez pas ma lettre, monsieur. Non, non, je le voudrais moi-même. Entrez, citoyen Cruchet. Entrez, entrez, asseyez-vous. Vous êtes venu pour cette place de juge de paix. N'ayez crainte, vous l'aurez. Ça m'étonnerait, car à force de l'attendre, je viens d'attraper 6 mois de prison. Ah, alors là, ce sera un peu plus difficile, peut-être. Enfin, je voudrais voir monsieur Bourdier. Mais non, je vais vous laisser avec lui. Monsieur Bourdier vous parle. Citoyens, votre visite est une nouvelle preuve de fraternité démocratique. Je lis sur votre visage votre attachement tant à votre député qu'aux idées qu'il incarne. Je sais ce que vous attendez de moi. Je ferai tout pour l'obtenir. Demain, comme aujourd'hui, vous me verrez sur la brèche et vous entendrez s'élever contre tous les abus le cri de ma conscience républicaine et sociale. Oh, merci, monsieur. Merci bien. Oh, ça, c'est un chic député, alors. Vous pouvez lui dire que je voterai encore pour lui, pour sûr. Bon, vous voulez peut-être vous rafraîchir? Ah, mais toujours. Bien sûr. Bien, c'est fini. Ouf. Messieurs. Monsieur. Comment êtes-vous entré ici? En disant que j'y étais attendu. Et qui êtes-vous, monsieur? Monsieur Blanc, commissaire spécial. Ah oui? Eh bien, moi, monsieur, je suis... Oh, monsieur, je serais un bien pauvre policier si au seul aspect d'un homme, je ne savais à qui je m'adresse. Mais monsieur... Quelques déductions suffisantes sont infaillibles, disciples de Sherlock Holmes, je ne me trompe jamais. Votre présence dans cette pièce m'apprend que vous êtes un habitué de la maison. Cette bague prouve que vous êtes marié. Et cette tache sur votre veston témoigne que votre femme n'a pas soin de vous, donc elle ne vous aime plus. Elle est blonde! Car ce cheveu est à elle, et vous ne la trompez pas, votre physique ne vous le permettrait que difficilement. Monsieur, je vais... Et la forme de votre veste, qui date de 3 ans, témoigne que vous n'avez aucune fortune. Je termine. Voilà. Les plis du genou de votre pantalon ont un aspect qui révèle que vous travaillez assis. Vous avez l'œil éteint de l'homme astreint aux besognes subalternes, le visage inexpressif de l'encre au doigt, vous êtes le secrétaire de monsieur Bourdier. Non, mais en voilà assez. Je suis monsieur Bourdier. Ah, vous êtes monsieur... Parfaitement, monsieur Bourdier lui-même. Eh bien, vous avez tort, monsieur. Quoi? Oui. Théoriquement, il se peut que vous soyez monsieur Bourdier, mais pratiquement, vous ne deviez pas l'être. Vous avez tort. Oh, mais vous m'ennuyez à la fin. Dites-moi donc plutôt qui vous êtes, vous. dire que vous êtes obligé de me le demander, monsieur, si vous aviez ma finesse, ce don. Cette question serait inutile. Vous serez dit tout de suite en me voyant cet homme remarquable et le commissaire spécial attaché à la personne du roi de Cerdagne. Oui. Et chargé d'organiser les services d'ordre. Sa Majesté doit en effet venir passer 24 heures dans la propriété du marquis de Chamarande qui touche la vôtre. Et je viens vous demander la permission de poser ici quelqu'un de mes hommes. Voilà. Voici d'ailleurs une petite... Non, non, inutile, monsieur. Je vais vous remettre entre les mains de mon secrétaire, monsieur Georges Rivelot. Mais monsieur, cette mission est strictement confidentielle. Soyez sans crainte. Rivelot est un garçon très sûr, très bien élevé, d'excellente famille, neveu d'un magistrat de Poitiers, très intelligent, en outre sorti second de l'école normale, non? Vous pouvez vous fier à son tact. Merci, monsieur. Je vais vous l'envoyer. Entendu, monsieur. Merci, monsieur. Monsieur Bourdier m'a donné ordre de me mettre à votre disposition. Je suis le... Inutile, monsieur, il me suffit de vous voir pour deviner en vous le secrétaire de monsieur Bourdier. En effet. Et votre présence m'apprend en outre que vous êtes sorti second de l'école normale, que vous avez un parent dans la magistrature, que vous avez séjourné à Poitiers, que vous appelez Georges. C'est extraordinaire, ça, oui. Le don, monsieur. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. Voilà. Ah, pardon, monsieur, voici une petite note. Bien, monsieur. Eh bien, vous n'avez qu'à m'envoyer votre agent, c'est d'accord? Je suis à votre entière disposition. Ah, merci, monsieur. Vous me permettez alors de me mettre tout de suite en campagne? Oui, je voudrais un peu profiter de ma visite pour prendre des contacts à votre personnel, pour l'étudier, n'est-ce pas? Oui, mais votre incognito. Oh, rassurez-vous, monsieur, je sais mon métier. Bien, monsieur. Eh bien, au revoir, monsieur. Ah non, monsieur. Adieu. Comment adieu? Enfin, pas pendant le séjour du roi en France, j'aurai l'occasion de vous rencontrer. Non, monsieur, non, jamais. Enfin, du moins sous cet aspect, oui. La nature de ma vision m'oblige en effet à me transformer selon les circonstances où je dois suivre le roi. Ah. Vous me rencontrerez peut-être, mais vous ne me reconnaîtrez pas. Oh, je parie bien que moi... Parions-nous, monsieur? Volontiers, qu'est-ce que nous parions? Eh bien, cette boîte de cigares. Volontiers. Bon, voilà. Non, mais comment m'apercevrais-je que vous m'avez deviné? Eh bien, si je vous reconnais, je vous ferai ce petit geste-là, tenez. Comme ça. Ah oui, on s'en va. Attendez. et n'oubliez pas votre folle envie de me reconnaître, n'est-ce pas? Je vous en prie. Voilà, voilà, monsieur. Et d'ailleurs, je vous le rappellerai, car moi, monsieur, je n'oublie jamais rien. Au revoir, monsieur. Monsieur, quel type, alors. Est-ce que l'illustration n'est pas arrivée, monsieur? Oui, elle est là, madame. Ah, là. Oui, ah oui, en effet, merci. La canne et mon chapeau. Pardon, madame. Oh! Non! Youyou! Le tapeur! Toi, ici? Oh, ben, voilà une circonstance. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais je fais une visite, et toi? Moi? Je la reçois? Je suis chez moi. Toi, t'es la petite amie de Bourdier? Dis donc, penses-tu qu'il a une petite amie? Il est marié. Mais qu'est-ce que sa femme dit de ta présence ici? Mais rien du tout, elle est très contente. Comment? C'est moi. C'est toi? Mais parfaitement! Et puis tout y a été, hein? Le maire, l'écharpe, le suisse, les machins sur l'orgue, je suis mariée. Tiens, je suis mieux que ça! Je suis épousée! Oh non, non, non! Ah non, il faut que je m'étende! Eh ben, et toi? Toi que j'ai quitté pianiste, là, au bord de la Marne, dans le rendez-vous de la mère Tringoin, hein? Au rendez-vous des Rajas! Eh bien, moi, tu me trouves chef de la police particulière de Sa Majesté Jean IV, roi de Cerdagne, que je précède en France. Non, alors raconte! Mais... Des fêtes à mal, hein? Des vides ton fil! Et volontiers. Tu n'as surtout pas oublié que j'étais un garçon, frappé dans le coin du meilleur bon sens et de la plus fine perspicacité, en rien de loufoquerie brochant sur le tout. J'ai toujours eu le goût des aventures, car provençal par ma mère, je suis anglo-saxon par un ami de mon père. Or, à la fin de l'été 1901, le rendez-vous des Rajas et la mère Tringoin furent fermés par autorité de justice. Non. Je file, je monte à Paris, oui. Où je vis pendant quelques temps de ma profession de blanchisseur de touches de piano. Oh, oui, oui. Enfin, la littérature me tenta, n'en avait-elle pas tenté bien d'autres? Voyez Victor Hugo, Alexandre Dumas, Honoré de Balzac, Georges Sand, enfin tous ces messieurs. Je songeais d'abord au roman. Oui, à présent, c'est un genre cuit pour les hommes. C'est à peine s'il nourrit sa femme. J'entre alors au moniteur des beurs et œufs. Ah. Oui, tous les lundis, je signe un vieux monarchiste et tous les jeudis, un vieux républicain. Mais un soir, à la suite d'une pâle orgie, crac, je me trompe de conviction. Quelques lecteurs maniaques s'en aperçoivent, ça fait un foin épouvantable. Alors, dégoûté de la politique, de ses blagues, de ses boniments, je me consacre au seul journalisme sérieux, au seul, où on peut être encore sincère, éloquent, impartial et poète, j'entre dans la publicité. C'est ainsi que je fus mise en rapport avec la cour du roi de Cerdagne. Oh, mais alors qu'est-ce que tu me chantes? Mais ma petite, ignores-tu donc maintenant que les rois n'ont plus pour mission que d'être des motifs de publicité? Mais oui, ils servent de réclame aux automobiles où ils montent, au restaurant où ils dînent, au théâtre où ils vont, aux femmes où ils aiment. Ah. S'ils proféraient encore des choses historiques, s'ils criaient « Ralliez-vous à mon panache blanc !» Il dirait chez quel plumassier ils l'ont acheté. S'il criait « Je veux que tous les dimanches mon peuple mange la poule au pot », eh bien, il donnerait l'adresse du restaurant où l'a fait la mieux. À présent, vois-tu ma petite, les champs de bataille, c'est des étalages. Eh ben, t'en as pris un souffle. Attends, j'abrège. Oh. Tout ceci pour te dire comment je fus chargé par une grande maison de la rue de la Paix d'aller offrir 25 000 francs à Sa Majesté Béatrice, reine-mère de Cerdagne, si elle consentait à ne plus se laver les dents qu'avec la poudre des mousmets. Je dois dire que Sa Majesté refusa. Oh, le bonheur! Elle demanda 50 000 francs. Je les obtins! Malheureusement, les princes du sang s'en mêlèrent, ils exigèrent de fortes commissions, si bien qu'à la fin, la pauvre reine toucha 32 francs. Ah, mais j'avais pris place à la cour. Oui, je m'y fis remarquer, je devins tour à tour maître des balais. Inspecteur des octrois, surintendant des musées, enfin chef de la police secrète de Sa Majesté Jean IV. Voilà comment, au XXe siècle, quand on ne sait rien, on arrive à tout. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ah bah tu vois, j'en suis comme dessous de tarte. Ah bah ça n'est pas plus étonnant que de voir la petite Youyou transbahuter madame Émile Bourdier des sardines. À toi la pause. Oh, tu sais, moi, ça s'est fait tout seul. Ah. Oui, le patron et moi, on s'était rencontrés. Il m'a dit que je lui plaisais. Et alors moi, je lui ai répondu qu'il ne me plaisait pas. Mmh. Alors naturellement, je lui ai plus l'avantage. Hein. On s'est mis ensemble, ça marchait pas mal, tu sais, enfin j'étais contente, quoi. J'étais même si contente qu'un jour il m'a passé avec Georges. Tu sais, le grand Georges? Ah oui, l'ami du petit Félix. C'est ça. Mais alors il s'est fâché comme tout, hein. Il a cru que c'était sérieux, non. Puis il a bientôt vu que ça l'était pas. Mais pourquoi? Parce que la semaine d'après, il m'a passé avec Félix. Tu sais, le... Eh ben le petit Félix. Ah oui, l'ami du grand Georges. C'est ça. Et alors? Alors, eh ben c'est ça qui a tout arrangé. Comment? Eh ben parce qu'exaspéré, il m'a dit, mais enfin, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu tiennes tranquille? Alors je lui ai dit... En blague. Eh ben, épouse-moi, puis tu verras que je te tromperai plus. Elle arrive à épouser, pour voir. Et il a vu. Eh ben non, mon vieux, il a pas vu. Je suis fidèle à mon mari. Non, mais, hein? Non, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, j'en sais rien. Par étourderie. Oh, et puis non. C'est que j'ai pas rencontré le numéro que je rêve. Mais voilà. Tu vois? Oh, t'es trop fripouille. Ah, bah, il faut bien. Que... Oh, mais non, nous, on peut être que des amis. Ah non. Non, vois-tu, le numéro que je goberais, c'est une conserve qui se fait pas. Je le voudrais bon garçon, là. Pas droit, pas roublard, qui ne vend de rien. Qui soit en même temps un type extraordinaire et puis un type simple, tout simple, quoi. Une pomme nature. Enfin, je voudrais qu'il soit épatant et... Épaté. Oui, le maire Leblanc. Et voilà. Et comme je le trouverai pas, eh ben je suis pas heureuse. Donc qu'est-ce que tu racontes? T'es pas heureuse dans tout ce pitch-pain-là? Ah oh, oui, oh, ça, j'ai des autos, des villas, là, des pinces à sucre, hein, 700 000 francs de rente. Ah, quelle purée! Ah là là, t'es bien toujours la petite you-you du rendez-vous des Rajas, hein? Oh oui, tu te rappelles, hein? On y venait danser le dimanche, là, en bande, tout l'atelier. Et ensuite, on allait sur la Marne. Hein? Oh oui, allait... oh oui, à la dérive, hein? À la jolie dérive. Oh, dans chaque canal. Il y avait quatre gars qui ramaient, là, puis une petite femme couchée sur le dos qui regardait en l'air. Ouais, image de la vie, quatre gars qui s'esquintent pour une petite femme. Couchée sur le dos. Qui regarde en l'air. On chantait, on batifolait, on se fâchait, on se raccommodait. On s'en allait doucement à la flotte, dans du soleil, dans de la béatitude. On regardait dans l'eau les maisons à l'envers, ça vous retournait les idées. Ah, je l'ai bien aimé. Qui ça? Tous. Puis la nuit arrivait, on se fichait à rêver, sans savoir à quoi. Hein. Les plus mufles devenaient poétiques. Ah, on se croyait amoureux pour tout bon, on se disait plus rien. Et puis le soir tombait, on s'en revenait vanné, fourbu, triste de penser que c'était déjà lundi. Et on s'empilait dans les trains de plaisir où on avait tant de chagrin. Ah, oh, oh, les beaux dimanches. Ah, puis il n'y en avait pas deux comme toi pour pousser la chansonnette. Hein. Oh, je t'accompagnais oui. Avec un talent. Oh, c'est vrai. Dis donc comment c'était, tu sais, là. Eh bien, l'air de mon triomphe. Attends. Non, pas celui-là. Attends. Non, tu me t'as trompé. Tu y es, mon vieux, ça y est! Oh, mais comment faire pour pas l'oublier? Oh, attends, l'appareil! Allez, vas-y! J'aime les fleurs, les diamants et la toilette. Tout ce qui fait enfin la joie d'une coquette. J'aime avoir sur le devant un petit appartement et tout ce qu'il faut pour vivre confortablement. Eh bien, je vous le dis, sans peur qu'on me ridiculise, ça me serait égal de donner tout jusqu'à ma chemise. Car tous ces beaux joujoux, les fleurs et les bijoux, les mobiliers, les bracelets, les colliers, tout ça ne vaut pas l'amour, le bel amour, la vraie amour. L'amour d'un bon petit homme pour croquer la pomme, la nuit et le jour. Tout ça ne vaut pas l'amour. Les petits bécots qu'on met autour. Voilà pourquoi je chante toujours l'amour, l'amour, l'amour. Vas-y, bébé, à toi, deuxième couplet. Veuillez dire à monsieur Bourdier que le marquis de Chamarande l'attend. Chamarande excusez-moi, monsieur, c'est pour ma satisfaction personnelle. Pardon, monsieur. Vous savez l'italien. Buvez du thé vert sans sucre. Vous avez dans votre salon un tapis rouge. À l'âge de 5 ans, vous conduisez un tilbury attelé d'une jument alsane. Malheureusement, vous tombâtes sur la tête et depuis... Pardon, monsieur, c'est uniquement pour ma satisfaction personnelle. Souvenez-vous de la jument alsane. Oh, ça, mais c'est un fou. Oh, quel monde. Excusez-moi, monsieur le marquis, de vous avoir fait attendre. Oh, c'est moi qui abuse de votre temps. Ma visite... Me fait le plus grand plaisir, monsieur le marquis. J'ai un petit service de bon voisinage à vous demander. Je suis ravi, car vous me prouvez par là que vous êtes disposé à passer sur nos rancunes une éponge cordiale et qu'il ne reste rien des désaccords qui avaient marqué nos dernières rencontres en réunion publique. Nous y échangeâmes certaines épithètes. Oh, elles ne dépassaient pas le ton de la polémique courante. Je vous ai appelé rétrograde avachi, débris d'un autre âge, intelligence arriérée. Oui, en revanche, je vous ai qualifié de financier véreux, de bas ambitieux et de... plate fripouille. Vous m'avez même traité de voleur. Vous m'avez traité de cocu. Prenez donc la peine de vous asseoir, monsieur le marquis. Comment se porte madame la marquise? Bien. Allons, tant mieux. Vous lui présenterez, je vous prie, mes hommages les plus respectueux. Elle y sera fort sensible. Je ne vous demande pas des nouvelles de madame Bourdier. J'ai eu la chance de l'apercevoir tout à l'heure. Elle m'a paru en excellente santé. Quelle santé! Eh, hey, mon Dieu, oui! Un verre de madère! Volontiers! Alors, franchement, monsieur le marquis, vous m'en voulez plus du tout de vous avoir évincé de la mairie? Oh! La commune voulait fonder des écoles, s'endetter, vous vous êtes chargé de cette besogne, cela est excellent! Ah, monsieur le marquis, moi, j'ai obéi à la volonté populaire! J'ai le respect de l'électeur, tandis que vous, merci, vous en avez le mépris. Oh, c'est la même chose. Aussi bien, je vais vous prouver, monsieur Bourdier, en quelle estime je tiens le suffrage universel. Vous? Moi. Oui, c'est une petite anecdote qui remonte à l'été dernier, 3 ou 4 jours avant les élections législatives. Où mon mandat de député me fut renouvelé. Oui, à 2 voix de majorité seulement. Oui, c'est exact. Or donc, un soir qu'il faisait beau, je décidais de faire un tour après dîner. Je suivais la route de Valvin et vers 10 heures, un peu là, je m'assis sous un chêne. J'étais là, arrivé au clair de lune, lorsque 2 individus surgirent du bois. Ils étaient de fort mauvaise mine. Je jugeais inutile de signaler ma présence et je portais instinctivement la main à mon revolver. Ils passèrent en causant. Dis-moi, mon Charlot, quel jour cambriole-t-on la villa de Marlotte? Ah, veux-tu dimanche? Ah, non, dimanche, pas possible. Pourquoi donc, pas possible? Ah, ben parce que dimanche, je vais voter. À ces mots, je rengainais mon revolver, dont j'avais l'intention de me servir pour alerter les gardes. Je n'ai pas le droit, me dis-je, de fausser en supprimant 2 électeurs l'expression sincère du suffrage universel. Et comme j'ai raison, monsieur Bourdier, puisque vous avez été élu à 2 voix de majorité, celle de mes 2 cambrioleurs. Oh, monsieur le marquis. Ah, ne croyez pas que je m'en indigne. Non, non, non, non, non, non, non. Si vous avez eu leur suffrage, vous avez eu le mien aussi. Le vôtre? Oh, vous plaisantez. Ah, pas le moins du monde. Oh. Je vote pour vous, ça vous étonne? Oh, oui. Et pourquoi? Vous êtes mon homme. J'estime que vous conduisez la République aux abîmes et cela est excellent. Je suis votre électeur, mon cher député, et c'est à ce titre que je viens vous demander un petit service. Je vous écoute. Vous n'ignorez pas que le roi de Cerdagne me fait l'honneur de venir chasser à Chamarande dans 1 mois. Mon élevage n'a pas été très fort cette année, et je manque de faisans. Alors je viens vous demander de m'en céder. Mais volontiers, combien? 3 000 environ. Et naturellement, votre prix sera le mien. Oh, parlons pas de ça. Eh bien, je vous remercie. Il me revient à 10 francs. Ah, ben, c'est 10 francs, c'est entendu, je vous enverrai un chèque. Ravi de vous avoir été agréable. Vous pouvez l'être davantage encore. En quoi? En faisant bon accueil à une personne qui va venir vous trouver de ma part, mademoiselle Thérèse Marnix. Ah, la comédienne. Mais la locataire de votre hôtel de la rue Fortuny. Elle vient vous entretenir de certains aménagements qu'elle y veut faire. C'est une femme charmante et je ne suis pas sans m'intéresser à elle depuis quelques années. Eh, mes compliments! Eh, que voulez-vous, il faut bien que vieillesse se parte. Je ferai tout pour la satisfaire. Eh bien, sur ce, mon cher voisin. Un instant, monsieur le marquis. Vous venez d'aborder un sujet tout intime. Je veux, je dois, à mon tour, en aborder un plus intime encore. Vous avez une maîtresse? Ah non, non. Non, mais j'ai une fille. Ah, ravissante. N'est-ce pas? Gentille nature, fraîche, vivante. Tiens, vous, monsieur le marquis, vous avez un fils. Ces jeunes gens se sont rencontrés. Eh, je crois bien qu'ils se sont plus... Oui, laissons cela, monsieur Bourdier, je vous prie. Mais pourquoi? Bon, vous n'allez pas m'obliger à recommencer ici la scène entre le bourgeois et le gentilhomme. Les unions entre jeunes gens de caste si opposées ont toujours très mal tourné. Mais monsieur le marquis, les temps ont marché. Si nos enfants se mariaient, il n'y aurait plus de mésalliance. Parce que si vous, vous avez beaucoup d'aïeux, moi j'ai encore plus d'argent. Et que depuis 20 ans, la valeur des aïeux est restée la même. Tandis que la valeur de l'argent a décuplé. L'argent aujourd'hui, c'est la seule puissance. On a tout ce qu'on veut pour de l'argent. Cela vous plaît à dire? Si on n'en a pas, c'est qu'on n'en offre pas assez. C'est votre opinion, la mienne est qu'il y a des choses qui ne sont pas à vendre. Mais tout est à vendre. Les consciences, les idées, les talents. Tiens, votre pantalon. Moi, la plaisanterie est d'un goût. Parfaitement. Ça vous étonne, hein? Eh bien, il est à vendre, votre pantalon. Et la preuve, c'est que je vous l'achète. Monsieur! Je vous achète 100 000 francs. 100 000 francs? Oh, ben, il est à vous. Non, arrêtez. Non, c'était une image. Je le regrette. Alors, vous la reconnaissez maintenant, la toute-puissance de l'argent, de ma fortune? Mais vous me la baillez belle avec votre fortune. Elle n'existe pas. Vous ne pouvez donner aucune dot à votre fille. Comment? N'êtes-vous pas socialiste? Oui. Et collectiviste. Je crois bien. Par conséquent, vous comptez dans un temps très prochain partager votre fortune entre vos ouvriers. Moi? Mais jamais de la vie. Non, mais il n'a jamais été question de ça. De quoi aurais-je l'air? Mais alors, vous êtes comme moi, un affreux capitaliste. Mais pas du tout. Vous vous considérez, vous, comme le propriétaire de vos biens, tandis que je me considère, moi et mes descendants, comme le dépositaire des biens. Alors, votre fortune est de ce fait une fortune capitaliste, tandis que la mienne est une fortune socialiste. Ah, c'est exactement la même chose. C'est uniquement une question de mots. Mais il n'y en a jamais eu d'autre en France. Ah, rassurez-vous, monsieur le marquis. Ma fille aura une dot princière. J'en suis ravi pour elle. Je vous serai très obligé, monsieur, de ne plus me parler d'un projet irréalisable. Mais pourtant... Irréalisable. Il se fait tard. Je vous demande de me jeter aux pieds de madame Bourdier et de votre charmante fille. Oh, elle est... charmant. Au revoir, mon cher monsieur. Au revoir, monsieur le marquis. Le marquis. Ce haut bureau. Anticaille ! Refuser ma fille, à moi. Et avec quelle façon ? Quel mépris ! Quelle amabilité ! Ah, j'aurais voulu être insolent avec lui. Bon, voilà, moi, je sais pas. Quand je veux être insolent, je suis grossier. Alors, je suis obligé de rester poli. C'est agréable. Oh, mais je vous repincerai, monsieur le marquis. Je sais pas encore comment, mais nous nous reverrons. Monsieur, voulez-vous recevoir cette dame qui vient de Paris en automobile? Madame Thérèse Marnix? Cette grue? Ah non, alors! Dites-lui que j'y suis pas. Ah. Et dites-le avec insolence, hein, si vous pouvez. Bien, monsieur. La maîtresse du marquis? Ah non, alors! Rivelot! Monsieur. Faites entrer. Bien, monsieur. Non, attendez. Oui, monsieur. Comment est-elle? Ah, très bien. Allure énorme. Mais vous la connaissez? Ah, ben, comme tout le monde, n'est-ce pas? Grande artiste. Très distinguée. Un peu trop, peut-être. Mmh. Intelligente et cultivée. Enfin, c'est la dernière chambre à coucher où l'on cause. Oui. Beaucoup d'aventures. Ah, non, non. Très peu, mais alors de tout premier ordre. Oui. Mmh. Comme on dit de certains médecins, elle fait de la science. Elle ne fait pas de clientèle. Mmh. Il y a dans sa vie quelques béguins princiers, quelques passades royales. Et actuellement? Actuellement, elle est la maîtresse du marquis de Chamarande. Oui, oui, oui, oui. Du marquis de Chamarande. Oui. M'a fait entrer. Bien, monsieur. Monsieur? Pardon, madame. Monsieur est avec vous? Mais oui, monsieur. Depuis l'hiver dernier. Monsieur William Touré, romancier. Il fait une pièce pour moi. Une pièce pour elle. Compliment. Après. Mais vous êtes bien jeune, monsieur. Il y a longtemps que vous écrivez? Mais oui, monsieur. Depuis l'hiver dernier. Vous savez donc, madame, monsieur... Madame, votre visite m'a été annoncée tout à l'heure par mon ami, le marquis de Chamarande. Oh, quel homme excellent! Vous le connaissez, monsieur? Mais oui, monsieur. Depuis l'hiver dernier. Vous savez donc, monsieur, l'objet de ma visite? Ben, il s'agit, je crois, de l'hôtel que vous habitez. Et qui vous appartient. je n'étais jusqu'ici en rapport qu'avec votre gérant. C'est un homme infiniment désagréable. Mais oui, je suis très content de lui. Rien de plus naturel. Je me suis donc aventurée, monsieur, à vous poursuivre jusqu'ici au risque de vous sembler importune. Mais pas du tout, pas du tout. Vous avez bigrement bien fait. Voyez-vous, moi, je suis tout rond. Tout rond, en vérité. Je vous remercie de cette confidence. Alors, vous voulez faire des travaux dans mon hôtel? Des travaux. Des travaux. Des travaux. En fait, monsieur, puisque vous écrivez des pièces de théâtre, ça vous intéressera de visiter ma galerie de tableaux? Il allait vous le demander. Oui, oui. Ah, mais oui, il y a des choses magnifiques, hein, très chères. Puis j'ai fait remettre tout ça à neuf. Ouais, c'est intéressant. Intéressant. Oh, Riri, allez voir ça. J'y vais. Riri. Un petit mot d'amitié. Chère madame, j'irai pas par quatre chemins. Je suis rudement content de faire votre connaissance. Moi aussi. Pas rudement, mais contente. Du reste, vous n'êtes pas un inconnu pour moi, monsieur. J'ai lu de vos discours. Ils m'ont intéressé. Bien que vos idées aient tout pour me choquer. Ah, vraiment? Que voulez-vous, nous autres? Nous sommes toutes conservatrices. Bien sûr. Vous êtes charmante. Merci. Les travaux dont je venais vous parler consistent... Inutile, chère madame. Tout ce que vous voudrez pour les travaux. D'autant plus que... Que? Que moi aussi, j'ai quelque chose à vous demander. Ah, pardon. À vous proposer. Non, non. À vous soumettre. Je vous écoute. Eh bien... Oui. Eh bien, c'est beaucoup plus difficile que je ne croyais, beaucoup plus. Et vous savez ce qui m'arrête? Ben, vous m'intimidez. N'ayez pas de honte, cher monsieur. C'est tout naturel, ce qui vous arrive. Vous autres, les grands socialistes, vous avez tout. Les honneurs, la puissance, l'influence. Seulement, vous ne savez pas parler aux femmes. Ah non, vous ne les connaissez pas. Vous n'en connaissez qu'une, la République, une femme à bonnet. Oh, croyez-moi, on ne l'habillera jamais, elle n'a pas appris. Elle n'a pas eu le temps. Le jour où vos amis lui ont brusquement fait faire son entrée dans le monde et l'ont installée au pouvoir, sur les sous, sur les timbres, sur la cheminée de toutes les mairies, elle a été prise de court, la pauvre femme. Elle n'a pas eu le temps de s'attifer, de se parer, de soigner ses dessous. Elle s'est drapée dans le premier rideau venu. Elle a bien essayé de se mettre du rouge sur les lèvres, mais elle était si pressée qu'elle s'en est fourrée partout. Oh, vous êtes sérieux. Et vous, quoi que vous fassiez, vous restez les hommes de cette femme-là. Oh, charmant. Non, vous n'avez pas le sens des nuances. Vous ne savez pas manier les fanfreluches des dentelles et des sentiments. Et comme je le disais l'autre jour, un très vieux sénateur radical. Cher monsieur, vous êtes trop jeune. D'après vous, nous sommes incapables de plaire. Eh oui, pour le moment. Pour nous conquérir, il faut nous faire la cour pendant plusieurs générations. Oh, consolez-vous. Il en était de même pour tous les pouvoirs. Soyez sûrs que les Mérovingiens n'avaient pas les femmes. Ce sont les Bourbons qui les ont eues. Napoléon Ier non plus n'avait pas les femmes. C'est le duc de Morny qui les a eues. Et je suis persuadée que vous-même, si dans un siècle ou deux, vous voulez m'exprimer ces choses qui aujourd'hui vous embarrassent si fort, vous le ferez de la meilleure grâce du monde. Vous le voyez, il vous suffit d'un peu de patience. Vous moquez de moi, hein? Oh. Mais nous allons voir si je ne sais pas parler aux femmes. Ben, je vais vous le dire ce que je voulais vous dire. Et puis je vais vous le dire nettement, rondement. Je vous en défie. Quoi? Eh bien, vous avez raison, je ne peux pas. Vous voyez? Et puis vous vous méprenez tout à fait sur mon compte. Oh, je ne vous en veux pas. Mais je ne suis pas la femme d'une aventure passagère. Oh, mais dites, mais j'ai jamais pensé. Ben, je me serais pas permis. Non, moi, ce que je rêvais, c'était un attachement sérieux, durable, une liaison. Oh, que dites-vous là, une liaison? Oh, ben, vous allez vite en besogne. Une liaison ne se fait pas comme un mariage. Et puis, vous savez fort bien, cher monsieur, que la question ne peut même pas se poser pour moi. Ah, le marquis! Oh, le marquis! Mais oui, le marquis. Je lui suis entièrement attachée. Tout nous lie. Il m'a fait tous les sacrifices. Je dirais même qu'il ne lui en reste plus à faire. Eh ben alors? Oh, qu'allez-vous penser là? N'allez pas prendre pour un encouragement ce qui n'est qu'une confidence. Si je l'ai laissé échapper, c'est que je vous considère déjà comme un ami. Eh ben... Un ami. Et que je suis bien assurée qu'il n'y aura jamais autre chose que de l'amitié entre l'homme que vous êtes et la femme que je suis. Ah, et voilà le malheur. Mais aussi, pourquoi êtes-vous la femme que vous êtes? Quoi? Ben, c'est vrai, ça. Si au lieu d'être la femme que vous êtes, vous étiez la femme que j'attendais, ben, j'aurais pas été gêné, la comédienne, là. Mais oui, j'aurais dit, venez ici, ma belle, asseyez-vous et écoutez-moi. Vous me plaisez beaucoup. Je suis à une époque de ma vie où j'ai besoin d'une maîtresse. Ça complétera ma situation, ça embêtera mes voisins, ça me donnera du poids dans mon groupe et ça me permettra de prendre la parole sur le budget des beaux-arts. Et vous n'aurez pas à le regretter, ma petite. Je vous fais une situation admirable. 100 000 francs par mois. Mon hôtel de la rue Fortuny. Tiens, celui que vous habitez, justement. Une villa à Deauville, 3 rangs de perles et un bureau de tabac pour votre mère. Oh, je suis pas beau. Mais j'ai de l'encolure, j'ai une grosse fortune, une grosse influence, un gros avenir et une femme charmante. Tout ça, c'est pas dédaigné. Ça mérite d'y réfléchir à deux fois. Et la petite femme n'aurait pas réfléchi du tout. Elle m'aurait répondu, venez déjeuner chez moi demain matin à midi et demi. Merci. Merci de ne m'avoir pas tenu à tel langage. J'en aurais été mortellement froissée. Vous m'avez comprise. Vous avez deviné que j'étais une sentimentale. Merci de ne m'avoir proposé ni votre hôtel de la rue Fortunine, ni une villa d'Auville, ni 3 rangs de perles, ni un bureau de tabac pour ma mère, ni 150 000 francs de rente. 100 000. Merci de tout cela. Je ne vous l'aurais jamais pardonné. Je suis très touchée. Merci encore. Je n'oublierai jamais votre délicatesse. Alors, vous me permettez de vous revoir? Certainement. Bientôt. Oh, tenez, venez donc déjeuner chez moi. Demain matin? Non. Après-demain. À midi et demi? Non. À 1 heure. Oh, oh merci. Merci. Merci. Vous y retrouverez un ami. Ah oui, qui ça? Monsieur William Touret. Oh, ben non, j'aurais préféré... Le marquis aimait le voir à ma table. Ah, le marquis aimait. Alors, c'est moi aussi. Mais il se fait tard, je n'ai que le temps de rentrer à Paris. Je joue ce soir. Ah oui, oui. Au revoir, cher monsieur. Au revoir, chère madame. Mon Dieu, nous oublions quelque chose. Ah oui, quoi donc? Monsieur Touret. C'est vrai, nous l'oublions. Nous l'oublions. Oui, oui. Merci. Voilà. Nous partons. Cher monsieur, très intéressante votre galerie de tableaux. Trop aimable. À bientôt. À bientôt. À bientôt, cher monsieur. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Ça y est. Ça y est, mon vieux. T'as une maîtresse comme un réactionnaire. Monsieur, voici la copie de votre biographie, monsieur. Ma biographie? Oui, monsieur. Mon petit Rivelot. Ah, je suis content. Je suis un autre homme. Il y a quelque chose de changé dans ma vie. Aussi, vous allez me reprendre tout ça. Hein, oui, monsieur. Et vous me collerez éminent partout où il y avait distingué. Bien, monsieur. La délégation du canton de Framières est là. Flûte. Le gramophone. Le gramophone. Ah, je suis content. Bon. J'ai une maîtresse. Tiens, je vais embrasser ma femme. Ah, oui. Si vous voulez faire entrer la délégation du canton de Framières. On sera fait, monsieur, selon vos volontés. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Comme vous m'avez reconnu? Mais bien sûr. Vous êtes sûr? Mais bien sûr. Entrez, messieurs, entrez. Allez, entrez. Entrez, messieurs, entrez. Approchez. Approchez. Monsieur Bourdier va vous parler. Citoyens, votre visite m'est une nouvelle preuve de fraternité démocratique. Je lis sur votre visage votre attachement tant à votre député qu'aux idées qu'il incarne. Demain comme aujourd'hui, vous me verrez sur la brèche et vous entendrez s'élever contre tous les abus le cri de ma conscience républicaine et sociale. Tout ça ne vaut pas l'amour, la belle amour, la vraie amour. L'amour de bon petit homme pour croquer la pomme de la nuit. Le petit béco tombé autour. Voilà pourquoi je chante toujours l'amour, l'amour, l'amour. Vous m'excuserez de vous servir le café dans mon boudoir? Oh, ben je crois bien. C'est vrai, tu fais refaire ton salon? Non, c'est moi qui le fais refaire. Les tentures ne me plaisaient pas, c'était fade. J'ai horreur des demi-teintes. Je fais remplacer tout cela par un brocart, grenat et or, beaucoup d'or. Quelque chose de bon goût. Enfin, de votre goût? Oh, moquez-vous, mademoiselle Georgette Langlois, moquez-vous. Moi, je n'ai pas peur de le dire. J'aime mieux les choses qui se voient que les choses qui ne se voient pas. Vous pouvez vous vanter de nous avoir fait faire un fameux déjeuner, hein? Vous êtes trop indulgent. Bah non, il y avait pour commencer un gros papa de poisson et pour finir une polisson de salade. Et quelle voisine choisie, mon cher Bourdier? Eh oui, la danse, le chant, la comédie. Elles sont trois. Comme les muses. Ah, vous vous trompez, cher monsieur. Ce sont les grâces qui sont trois. Les muses sont neuf. Vous vous trompez de déesse. Moi, vous savez, les déesses, je suis anticlérical. Vous n'étiez pas samedi à la générale des Folies Bergères? Non, est-ce bien? Oh, c'est d'un décadent, vous n'avez pas idée. Il y a un défilé qui s'appelle le nu à travers les âges. Oh. Mais le nu, ça ne change pas. C'est toujours du nu. Ah, ne croyez pas ça, mademoiselle, il y a mille façons de le porter. Certes, il y a le nu négligé, le nu habillé, le nu bon enfant, le nu classique, le nu fantaisiste, le nu pudique. Le nu jeune fille, si j'ose dire. Ah, nous vivons une jolie époque. Oh, plus de mère. Plus de rien. Les finances fichent le camp. L'agriculture aussi. Et le commerce, donc. Plus d'autorité, plus de direction. Hein, c'est du propre. Où allons-nous? Où allons-nous? Qu'est-ce que c'est? Au nom de téléphone, monsieur le président du conseil. Ouais. Ou à son défaut, monsieur le ministre du commerce. J'y vais. Ouais. Je vous conduis. Merci. Excusez-nous, madame. Je vous en prie. À propos, monsieur le ministre, en même temps que le commerce, vous avez bien aussi le portefeuille des postes. Ah, mais certainement, chère madame. Alors, j'ai une petite réclamation à vous adresser. Ah bah. Moi aussi, moi aussi. C'est pour le téléphone. Non, le téléphone, ne m'en parlez pas. Moi-même, tenez, ce matin, j'étais chez un collègue, j'ai voulu téléphoner, j'ai jamais obtenu le numéro que je voulais. Mais il fallait vous nommer. Mais c'est ce que j'ai fait, la demoiselle m'a répondu. Oh, on me l'a fait tout le temps, ça ne prend plus. C'est vrai, j'ai essayé ce truc-là. Vous avez dit que vous étiez... Non, je ne me serais pas permis. J'ai dit gentiment un jour à une surveillante, je suis la bonne amie du ministre des Postes. Oh. Alors elle a poussé un grand cri et elle m'a répondu, Alpignou, film tronc. Eh bien, monsieur le ministre, qui aurait cru ça? Non, mais c'est injuste, c'est pas vrai. Il suffit de me connaître. Mesdames, vous vous trompez. Cormeau est un incorruptible. Je suis un pur, un vieux démocrate, un républicain de 48. Parfaitement. C'est l'année de sa naissance. Farceur. Oh, rien de grave, monsieur. Non, on m'avertit simplement qu'on vient d'apporter au ministère un pli urgent de protocole. J'ai demandé qu'on me l'apporte ici par un attaché, vous m'excuserez. Oh, mais j'en suis très fière. La salle à manger est à votre disposition, car je l'oserais le recevoir ici. C'est une pièce trop intime. Non, qu'est-ce qu'il vous faut? C'est bougrement chouette, ce petit machin. Oh, c'est bien simple. Mais vous êtes bien difficile. Avec l'argent qu'on a dépensé ici, quelle majorité on aurait pu obtenir, hein, le Lorrain? Ah, le fait est que c'est d'un style, d'une grâce. Je parie, mon cher Président, que c'est encore à propos de notre hôte, le roi de Cerdagne, qu'on vient vous relancer jusqu'ici. Sans doute, oui. Un peu encombrant, décidément, ce roi. Les journaux pleins de lui, les rues barrées. Vous ne l'avez pas vu? Dommage. N'étiez pas hier au Grand de l'Opéra? Non, j'aurais volontiers fait la connaissance du roi, mais dans l'intimité, enfin, de plein pied, au déjeuner diplomatique ou à la chasse du marquis de Chamarande. Je n'ai été invité ni à l'un ni à l'autre. Même pas chez votre voisin, le marquis? Même pas. Le roi quittera Paris sans que je l'ai vu. De quoi aurais-je l'air? D'un socialiste. Comme c'est agréable. Mon ami, vous oubliez complètement d'offrir des cigares à ces messieurs. Pardonnez-moi. Dites donc, oui, il manque un peu de tact, ce brave Bourdier. Pourquoi? Ben, d'insister comme ça sur le roi, parce que, enfin, voyons, il y a 8 ans, vous et le roi et vous. Je ne comprends pas. Ouais, voyons. Oh, écoutez, vous êtes un indiscret. Bah, allons donc, l'intimité des deux pays s'en est trouvée renforcée. Ne rougissez pas. Il est d'une bonne française de servir sa patrie dans la mesure de ses faiblesses. Puis rassurez-vous, personne ne le sait. Un cigare, mon cher président? Ah, volontiers. Je vous les recommande. Oh, quelle bague! Quand on fume un cigare comme ça, on a l'impression d'être fiancé avec lui. Ah, j'ai horreur de me vanter, mais je doute que le marquis en offre de pareil au roi de Cerdagne. Quel joli temps! Oui, pluie et vent. Vent et pluie. Enfin, espérons que cela se remettra pour dimanche. Pourquoi dimanche? Ben voyons, dimanche, la chasse du roi. C'est un maniaque. Il paraît d'ailleurs qu'il aime tous les gibiers, notre souverain de passage, et qu'à l'occasion, il ne s'embête pas. Mais nous non plus. Tous les mêmes, ces tyrans. Ils ne pensent qu'à la baliverne. Autrefois, c'était les grenouilles qui réclamaient un roi. Maintenant, ce sont les rois qui réclament des grenouilles. À propos du roi de Cerdagne, je vais bien vous amuser. Il paraît, je n'ai pas de détails précis, on n'a pas pu m'en donner, mais il paraît qu'il y a 8 ans, une petite femme de théâtre et le roi, enfin, le roi et une petite femme de théâtre, parfaitement. Et le plus drôle, c'est que personne ne le sait. 2h30 déjà? Ma chère, tu nous excuseras. C'est l'heure de notre répétition. Vous ne pouvez savoir, mademoiselle, comme j'ai été charmée de déjeuner avec vous. D'autant plus, chère madame, que le menu était... J'ai fait de mon mieux. Eh bien, nous nous quittons gaiement. Je vois que vous êtes content et je suis content aussi. Mais nous avons tout lieu de l'être. Au revoir. Ça fait du bien. Oui, rien n'est plus gai que de rire sans savoir pourquoi. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que fait cet attaché? C'est que j'ai un rendez-vous tout à l'heure, moi. Est-ce à la chambre, mon cher président? J'aimerais vous y conduire. À la chambre, aujourd'hui, mais il n'y a pas de séance. Il y a 3 heures, réunion de la commission de réduction des frais de justice, dont je fais partie. Mais qu'est-ce que vous allez fiche là-bas? Mais, madame Marnix, c'est charmante, oui. Restez donc chez vous. Il fait un temps de chien, non, restez mais, donc vraiment, chez vous. Vous croyez que je peux? Alors, dans ce cas... Monsieur le président, voici le pli que vous attendiez. Ah, parfaitement, protocole, vous permettez? Je vous en prie. Tiens. Ben, regardez, mon sac Ormeau, c'est curieux. Mais rien de sérieux. Non. On m'avertit simplement que le roi rendra visite à 3 heures à monsieur le président du Sénat. Babiole. Pas de réponse? Non, chère madame, non, pas du tout. Dites donc, Bourdier, oui. Il est déjà 2h30. Oui, il est même 3 heures, moi. Et la commission pour la réduction de frais de justice a lieu à 3 heures. À 3 heures précis, c'est vous-même qui l'avez dit. Oui, mais ça m'est égal puisque je n'y vais pas. Comment vous n'y allez pas? Il va pas. Mais non. Pensez-vous? Enfin, c'est vous qui m'avez donné le conseil. Je vous l'ai donné. Et pourquoi vous ne le suiviez pas, comme tous les conseils? Mais mon petit, il faut absolument que vous assistiez à cette commission. Mais pourquoi? Mais il fait un temps de chien. Justement, on dira que vous avez reculé devant la pluie, effet déplorable. Allez à la commission. Effet presque détestable. Allez à la commission. Oh. Ah ben, s'il le faut. Ah ben, j'irai à la commission. Ben, sans faute. Non, ben, comptez sur moi, j'y serai dans 20 minutes. Je n'en attendais pas moins de votre conscience démocratique. Il ne nous reste plus, chère madame, qu'à prendre congé de vous. Déjà? Hélas, c'est à vous remercier de cette heure charmante, trop brève, hélas, pour de pauvres hommes d'État obligés à des fréquentations si fâcheuses. Vous venez, Cormeau? Je vous suis. Au revoir, chère madame, avec l'espoir de vous revoir bientôt, car votre table est merveilleuse. Je compte d'avoir l'honneur de vous y recevoir, monsieur le ministre. Quel jour? Allons, Cormeau, madame Mardi, que je vous écrira. Venez, au revoir. Sans faute, hein. Vénard. Cher ami, avant de partir, je tiens à vous faire tous mes compliments. Notre déjeuner a été tout à fait réussi. Je suis dans l'admiration. Oh, mon ami. Si, je vous admire. Vous qui ne receviez que des clubman, des snobs, enfin, des gens bien élevés. Du jour au lendemain, vous avez reçu des hommes politiques avec autant d'aisance. Bah, il n'y a que le premier ministre qui coûte. Si, vous êtes un cerveau. Oh, ça ne vous ennuierait pas d'avoir un cerveau pour maîtresse? Ça me ravit. Et c'est pour ça que vous avez pris sur moi cette influence considérable, car vous l'avez prise. Vous m'avez donné du tact, du style, de l'érudition. Vous êtes pour moi ce que Madame de Pompadour était pour Louis XVI. Oh, vous allez trop loin. Non. Si, d'un roi. Vous voyez, je vous baise la main. Jamais je n'aurais songé à cela autrefois. Et maintenant, je le fais naturellement, sans y penser, comme je voterai. Au revoir. Au revoir. Madame, c'est le coiffeur qui vient onduler, madame. Bien, Angèle, faites entrer Marcel. Ce n'est pas lui, madame. C'est son premier garçon, un nouveau. Oh, c'est déconcertant. Oh, madame, il est très curieux, ce nouveau. Faites entrer. Entrez, monsieur. Mes respects, chère madame. Monsieur Marcel n'a pu venir onduler lui-même. Pourquoi? Il est témoin dans une affaire d'honneur de nos confrères croise de fer. Il m'a chargé de mettre à vos pieds cette excuse. Elles y sont, pouf, les bassies. C'est bien. D'ailleurs, il suffira de repasser dans les plis. Dans les plis d'un autre? Jamais, madame, jamais. Mon verre n'est pas grand, mais je couche dans mon lit. Quoi? La recherche de mon langage vous surprendra sans doute, madame. Mais avant d'être coiffeur, pardon, de talent, j'ai été homme du monde. Irez-vous dans le midi cet hiver sur madame? Oh, pardon. L'homme du monde réapparaissait. En vérité? Mais quoi, je croyais que ça soyait, non? Ah, bon. Glissons sur cette légère blessure d'amour propre. Glissons. C'est ça, glissons. Mon doigté vous plaît-il, madame, ce geste furtif? Se marie-t-il bien à cette souplesse dorée? Décidément, vous avez une façon de vous exprimer. Mademoiselle, voulez-vous... Non. Pardon. Madame, êtes-vous sûre, absolument sûre de votre femme de chambre? Certainement. Pourquoi? Votre service depuis longtemps? 4 ans. Honnête, discrète, pas de fréquentation suspecte? Mais non. Ah bon. Alors, je n'hésite plus à lui adresser ma demande. Mademoiselle, voulez-vous me passer les épingles neige? Voici, monsieur. À ma droite, mademoiselle, les épingles! Oh. Et les pierres à ma gauche! Oh, pardon, pardon, madame. Oui, comme tous les grands artistes, j'ai mes petites habitudes, qui sont sœurs de l'inspiration et cousines de la fantaisie. C'est bien, mademoiselle, vous êtes libre, vous pouvez disposer, vous êtes libre jusqu'à demain matin. Mais non, à ça! Je vous demande pardon, madame. Oh, monsieur, je fais mes compliments à Marcel. J'ai déjà vu des coiffeurs bavards, mais à ce point-là, jamais. Je m'en fais gloire, madame. Dans une société que le bridge a désormais voué à l'abrutissement et au silence, le coiffeur est le dernier causeur. Pourtant, si je vous ennuie... Non, allez. Quoi de plus naturel, d'ailleurs, madame, que cette confiance parfumée qui s'établit entre la femme et son coiffeur, mais qui en revanche n'existe jamais entre le coiffeur et sa femme. Ne nous livrez-vous pas, mesdames, ce que vous avez de plus mystérieux, de plus voluptueux, de plus caressant aussi. Vos cheveux, les cheveux des secrets, les cheveux des mystères, les cheveux vivent, les cheveux saillent, les cheveux aiment, les cheveux enlacent, les cheveux tombent. Pardon. Votre ondulation, madame, et tu l'as fait pousser. La désirez-vous plus voluptueuse? Pour moi, je la crois dans un sentiment très juste. Elle va. Oui, c'est bien. Vous avez des façons baroques, mais du goût. Ah, madame. C'est que j'ai aimé, madame. C'est que j'ai souffert. Oui, oui, l'artiste est obligé d'avoir ressenti les passions pour les peindre. Quoi? Mais avant d'être homme du monde, madame, j'ai été amant. J'ai jeté des fortunes aux pieds des femmes. Et quand je me suis baissé pour les ramasser, elles avaient disparu, les fortunes, les femmes aussi d'ailleurs. Et tout, je vais vous compter ce qui s'est passé. Écoutez, monsieur, je suis désolée, mais vraiment, je suis un peu pressée. Ah, pardon, madame, me permettez-vous de vous poser auparavant quelques questions indispensables. Quoi? Voyons. Non. Quelles sont, madame, vos dispositions d'esprit? De quelle couleur sont vos pensées aujourd'hui? Resterez-vous ici? Attendez-vous quelqu'un? Serez-vous libre jusqu'à 5 heures? Mais enfin, monsieur, qu'est-ce que cela peut vous faire? Mais madame, c'est que la coiffure que je rêve doit être harmonisée avec l'emploi de votre après-midi. Oh, ouais. Vous êtes étonnant. Bah, écoutez, je ne sortirai pas et je n'attends personne. Êtes-vous content? Bravo, à merveille, je vous en prie. Je sais désormais tout ce que je voulais savoir. Risquerais-je une coque ici? Je la risque. Voilà, me voilà rassuré sur vos gens. Voilà, rassuré sur le compte de votre femme de chambre. Je ne sais que personne ne viendra vous surprendre. Je suis heureux. Vous êtes coiffé. Sa Majesté peut venir. Sa Majesté? Sa Majesté Jean IV, roi de Cerdagne. Quoi? Vous plaisantez, monsieur? Madame, il est temps que je quitte cette personnalité d'emprunt. Je la dépouille. Voilà. Madame, si j'ai corrompu M. Marcel et remplacé M. Marcel au peigne levé, c'est que je suis le haut fonctionnaire chargé de veiller sur la sécurité de Sa Majesté, de le devancer et d'annoncer sa visite. Tenez, voici ma carte. Non, c'est vrai. Le roi doit venir ici? Madame, à 3 heures. Oh, mais c'est impossible. Oh, mais voyons, madame, cette visite est prévue dans les grandes lignes du programme de la journée du roi, pardon, tel que l'a publié le Figaro. Voilà, en haut et à gauche. Là, c'est là. À 3 heures, visite intime au président du Sénat. Oui. Eh bien? Eh bien, madame, ces mots sont la formule habituelle en usage au protocole pour indiquer l'heure que les rois de passage à Paris ne manquent jamais de consacrer à une parisienne. Non. Et le président du Sénat? Oh, je gagne, il a l'habitude, il n'a jamais vu un roi, il n'en verra jamais un seul. Il est très content tout de même. Oh, je suis très émue, très flattée. Je ne m'attendais pas. Et quelle heure est-il? Pardon, madame, je vais vous le dire. 3 heures? Oh, mon Dieu, rien n'est prêt. Oh, excusez-moi, monsieur. Je suis confuse de la peine. Au revoir, oh, monsieur. Oh non, madame, adieu. Oh. Adieu. Je suis celui qu'on ne revoit pas. Madame Barbie, que c'est monsieur Rivelot, je n'ai qu'un mot à lui dire. Sur le plan, je ne suis pas fâché. Bonsoir, monsieur. Quoi? Ah, oh, mais c'est pas possible, vous le faites exprès. Ah, bah vous êtes pas très malin, vous êtes comme policier, je vous retiens. Vous vous retenez, mais je m'en vais tout de même, c'est inqualifiable. Vous êtes danoise, fille unique, sensuelle, et vous savez pas jouer au beat-bokeh. Comment sait-il ça? Oh, faites pas attention, c'est un maniaque. Bonjour, monsieur Rivelot. Bonjour, mademoiselle. Tenez, voulez-vous dire à mademoiselle Mardic que monsieur Bourdier tâchera de la voir avant le dîner? Et il l'a pris de ne pas être trop en retard. Je n'étais venu que pour ça, et comme je suis un peu pressé, si vous voulez bien... Bien, monsieur. Au revoir, mademoiselle. À bientôt. Madame, monsieur Bourdier, il s'agit bien de monsieur Bourdier. Pierre, étoffez un peu ces vases. Angèle, retirez la photographie de monsieur Bourdier qui est dans le grand cadre et mettez à la place celle du roi qui est dans le tiroir. Mais retirez ce guéridon, Pierre, voyons. Chut, on sonne, c'est lui. Le roi. Bonjour. Sire. Oh, Thérèse, vous êtes terriblement charmante. Toujours encore. Et votre santé? Vous n'avez pas été valétudinaire depuis ma dernière visite? Tant mieux. Comment exprimer à votre majesté ma reconnaissance respectueuse pour l'intérêt... Oh, Thérèse, rejetez cette phrase. Il convient que nous soyons ensemble à la papa. Oh, sire. Garçon, vous pouvez disposer. Faites-moi plaisir. Partez. Par Saint-Vincenzo, cela me fait quelque chose. Je vous considère, vous n'avez pas changé depuis 8 ans. Pas changé du tout. Je suis satisfait de me retrouver en promiscuité avec vous. Oh, sire, et dire qu'à cette heure, l'Europe vous croit chez le président du Sénat. Oui, oui. Oh, je sais, c'est le prétexte habituel. Aussi, vous ne vous faites pas une idée, chère, combien les rois, quand ils sont revenus de France, parlent avec sympathie du président du Sénat. Ils en parlent même avec volupté, si je puis dire, de ce haut fonctionnaire. J'ai déjà eu quelques pseudonymes, mais je n'en ai jamais eu d'aussi honorable. Mais dites-moi, je ne suis pas insolite. Je ne tombe pas chez vous comme un chien dans la soupe. Oh, comment votre majesté peut-elle penser? Non. Non. Eh bien, bravo, je suis content, je suis très content, je suis enthousiasmé. Soyons en vacances, qu'il n'y ait plus ici de roi ni de comédienne, mais une paire de bons camarades. Autant tous deux notre prestige et faites chaise longue. J'aurai plaisir. Oh, sûr que vous êtes resté jeune. Oh, et vous donc? Oh, moi, je suis au théâtre. Et au théâtre, on ne vieillit pas, on n'a pas le temps. Oh, Thérèse, que j'ai eu de la tristesse il y a 8 ans lorsque je vous ai quitté. J'étais tellement triste que savez-vous ce que j'ai fait tout de suite en rentrant dans mon pays? Non, sire. Je me suis mariée. Oh, pardon, je l'avais oublié. Moi aussi. J'ai épousé la princesse de Moldavie, Natasha Mercedes Augusta Polovna Petrovichina Louise. Tel est son petit nom. Sire, me permettrez-vous de m'informer des nouvelles de Sa Majesté la Reine? Oh, pas de cérémonial. La reine est très simple, très digne, très pieuse, mais toujours fichue, ainsi que 4 sous. Je lui ai causé 2 enfants. Je sais, sire, 2 petits garçons. Hélas, non, cher, les rois n'ont pas de petits garçons, ils n'ont que des petits princes. Mais maintenant, la reine et moi nous faisons trône à part. Je ne songe jamais à elle. Vous avez peut-être raison, sire. C'est la meilleure façon de faire bon ménage. N'est-ce pas? Je crois. Quand on ne pense pas à sa femme, on ne l'en aime que mieux. Oh, sire, comme vous êtes de chez nous. Ah, c'est-à-dire, je le redeviens dans ce décor si galant, dans ce joli crème boudoir. Louis non plus n'a pas changé depuis 8 ans. Pas changé du tout. Par Saint-Nicéphore, cela me fait encore quelque chose. Hein? Oui, mais je ne vous ai pas vu hier au gala de l'opéra. Oh, sire, pour tout vous avouer, j'ai craint qu'il ne fût pas très amusant. Oh, il n'était pas. Il n'était pas du tout, mais grandiose et enquiquinant. Oh, Thérèse, ce gala, quelle vicissitude! Que voulez-vous, sire? C'est pour vous faire honneur qu'on a composé un programme ennuyeux. Les choses ennuyeuses ont un prestige que les choses amusantes n'ont pas. Mais j'ai vu dans les journaux que votre majesté n'avait pas applaudi une seule fois. Bon, ce n'est pas gentil. Pourquoi n'avez-vous pas applaudi? Mais ma chère, pour ne pas réveiller le président de la République! Oh. Bon, enfin, je j'espère qu'en dépit de cette soirée trop officielle, votre majesté n'est pas trop mécontente de son séjour à Paris. Mais que dites-vous, cher? Le séjour à Paris, c'est une chose qui nous délecte, nous autres pauvres rois. Pauvres rois de province. Pour aimer les rois, il n'y a vraiment plus que la France. Mais elle est sincère, sire. Elle est amoureuse de vous. Elle flirte, elle fait la coquette. Elle a l'impression de tromper son gouvernement avec vous. Elle aime ça. Et la France, c'est une parisienne. Oui, oui, mais expliquez-moi pourtant, cher. Quand elle a eu un roi, cette France, un roi à elle, elle l'a toujours, flanqué à la porte. Mais c'est naturel, sire. Son roi, elle, c'était un mari. Vous, vous êtes des amants. Des caprices. des passades. Je n'aurais pas osé le dire à votre majesté. Hey, il est vrai. Ici, tout le monde paraît content de me voir. Tout le monde me fait l'œil. Dans mon pays, il n'y a plus d'enthousiasme. Mes sujets, vraiment, je crois, je les embête. Oh, si. Ah, mais je vous jure. Il y a encore quelques années, quand je traversais ma capitale, le peuple manifestait sur mon passage. Il criait « Saruda, Nericho, catch, catch !» Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire « tyran, idiot, voyou ». Oh ! Oui, oui, ma chère. Mais maintenant, on ne le dit même plus. Cette dernière marque de loyalisme a disparu. Quand je passe, on ne dit rien du tout. On se fiche. Aussi, quand j'entends tous les Parisiens m'acclamer, vous pensez si je mange du lait, je suis heureux, heureux. Comme un roi. Non, fichtre, comme un peuple. Et pourtant, ne vous ménage guère que de revues, de réceptions, de visites. Ah, ça, beaucoup de balades. Hier encore, Versailles. Ah, mais c'est vrai, vous avez été à Versailles. Qu'en avez-vous dit? C'est grand, c'est grand. Et Trianon? C'est petit, c'est petit. Là encore, il y a quelqu'un qui m'a fait beaucoup de pitié. C'est votre pauvre président de la République, si sympathique, si brave homme, vraiment. Il est obligé de faire cette visite au moins 4 fois par an avec les souverains, si bien que maintenant il est devenu pareil à un cicérone. Il explique les tableaux et les statues sans même les regarder. Il a beaucoup de mémoire, vraiment. C'est un très, très bon président et je l'aime. Merci, nous vous en remercions tous. Et vos ministres aussi, je les aime beaucoup. Ils sont très bons garçons, très gais. On voit que ces hommes se disent, nous avons rempli notre devoir, qui était de devenir ministre. Désormais, nous n'en avons plus aucun à remplir. Mais sire, chez nous, le souci du gouvernement, c'est le souci d'en faire partie. Oui, votre ministre des Finances, surtout, est tout à fait rigolo. Jamais je n'ai vu un homme si content. J'ai été lui parler d'un emprunt que mon pays doit faire à la France. Eh bien, il a encore été très content. Il a beaucoup ri. Sire, est-ce que les finances de Cerdagne seraient en mauvais état? Oh, non, non. Seulement, mon président du conseil à moi m'a dit en allant à la gare, « Sire, un roi qui va en France, il faut qu'il fasse un emprunt. Sans ça, il se ferait remarquer. Nous empruntons tous de l'argent, c'est vous. Alors, ce qui résulte, c'est que vos finances à vous vont mal et que celles de tous les autres pays vont bien. Alors, je fais l'emprunt. Sire, un conseil. Faudra-t-il souscrire? Franchement, non. Non. Mais tout de même, ça la flatte la France de nous prêter de l'argent. Ainsi, nous, les rois de l'Europe, nous sommes tous un peu entretenus par elle. Sire, je vous l'ai dit, vous êtes tous des amants de cœur. Je voudrais, mais hélas, le temps passe. Je ne suis plus un gigolo. Et pourtant, je fais encore bien souvent des bêtises. Des bêtises, des lois. Du reste, les lois, ma chère, ceux qui les font ne savent jamais très bien comment ça tourne. C'est une espèce de jeu. C'est dire que vous êtes gay. Ah, Thérèse, je vois que décidément, vous ne me prenez pas pour un roi sérieux. Oh, sire, comment pouvez-vous croire? Je suis sûre que votre règne... Ne vous défendez pas. Il est insignifiant, mon règne. Ben, je me console en me disant que plus tard, dans les écoles de mon pays, quand les petits-enfants liront l'histoire, ils auront vite fait de réciter mon chapitre parce qu'il n'y aura rien dedans. Et ils se diront, celui-là, c'était un bon roi parce qu'il n'y a rien à apprendre sur lui. Il s'est contenté de la date de sa naissance et de la date de sa mort. Et ils auront de la sympathie pour moi et je serai le roi préféré des petits-enfants. sire, vous vous vantez, vous n'êtes pas préféré que par eux. Oh, Thérèse, que vous êtes mielleuse. Votre parfum non plus n'a pas changé du tout. Sire, prenez garde, il porte un peu à la tête. Bouh, je me ris de ce péril. J'envie ceux qui peuvent continuellement renifler cette odeur. Avec qui donc dormez-vous cette année, ma chère? Oh, sire. Non, non, je veux dire, depuis mon dernier voyage, y a-t-il eu chez vous changement de gouvernement? Mais il y a eu, et par votre faute, sire. Comment donc? Eh bien, parce que mon gouvernement eut connaissance de la tasse de thé que votre majesté avait daigné ce soir-là venir prendre ici. J'ai pris deux tasses. Votre majesté eut cette indulgence. Eh bien, en arrivant devant ma porte, quelle ne fut pas la surprise de mon ami. Il y avait là 6 municipaux à cheval en grande tenue, sabre au clair. Ah oui, oui, oui, ils étaient là, ces braves, pour veiller sur mon incognito. Oui, il voulut entrer de force. On l'arrêta, on le traîna au poste, et on ne le libéra que le lendemain matin, lorsque votre majesté eut quitté Paris. Oh, le pauvre cher garçon, comment s'appelle-t-il? Je veux le décorer du mérite civil. Oh, quel drame intime, je regrette. Non. Non, non, je ne regrette pas, car cette tasse de thé... Oh, quelle tasse de thé, Thérèse! Il me semble que hier, j'étais ici et que je ne vous ai pas quitté. Oh, mais vous ne m'avez pas quitté, sire. Tenez, regardez votre portrait. Il ne m'a pas quitté depuis 8 ans. Quoi? Ma photo? Oh, Thérèse! Rancho, c'est le roi d'Angleterre, mon oncle. Oh! Oh, sire, excusez mon trouble. Votre portrait à vous est dans ma chambre. Oh, et comme il a raison. Oh, Thérèse, les souvenirs me reviennent en foule. Je ne sais plus où les mettre. Je trouve tout ce qui m'entoure, comment dire, émouvant. Cette nuque, et ce frou-frou de soie, et ce peignoir dessinateur, et ces jolies découvertes bottines. Oh, Thérèse, Thérèse, que vous êtes souhaitable. Ah, sire, que faites-vous là? Mais que dites-vous, chère? Pourquoi cette question oisive? Je ressens un revenez-y, un reprenez-en. Oh non, non, sire. Les plus jolies romances sont celles qui n'ont qu'un couplet. Ah, alors, on recommence le même avec beaucoup plus de plaisir parce qu'on connaît la musique. Thérèse, Thérèse, soyez serviable. Oh non, non, sire, laissez-moi. Oh, ne m'embrassez pas dans le cou, ça me bouleverse. Oui, oui, merci. Oh, sire, calmez-moi. Non, Thérèse, Thérèse. Que j'aime la France. Pourquoi y a-t-il 6 gardes municipaux en grande tenue devant la porte? Thérèse n'est pas rentrée, moi je vais manquer mon train. Et pourtant, d'un autre côté, c'était pas très gentil de repartir sans venir lui dire au revoir. Petite, elle m'aime tant. Et pourquoi y a-t-il 6 gardes municipaux devant la porte? Incompréhensible. Comment ces idiots l'ont laissé passer? Heureusement, je suis là. Voyons, où sont-ils, ce fauteuil déplacé? Ce fichu, ils sont là. Monsieur, j'attends même Marnisque. Je suis un des bras droits de son tapissier. Ah oui, monsieur. Comme vous pouvez le voir, d'ailleurs. À quoi? Mon allure de tapissier, ma figure de tapissier, ma démarche de tapissier, mon parler de tapissier, ma moustache de tapissier. J'ai un vrai tapissier. Vous avez pas vu? Non. Oh, bah merci, bravo, bravo. Oh, glissons sur cette légère blessure d'amour propre, glissons. Quel drôle de tapissier. Il a resté là longtemps, lui. Oh, monsieur, excusez-moi, monsieur. Je demanderai la permission en attendant même Marnisque. Elle est sortie, hein, elle est pour là, elle est tout à fait sortie, elle est sortie. Je vous demanderai donc la permission à toi, Mme Marnisque, de prendre ici quelques mesures. Prenez, monsieur, prenez. Oh, je l'ai cassé en deux. Je vais prendre des demi-mesures. Des demi-mesures, 6 et 4, 10 et 3, 9 et 2, 27. Pardon, monsieur, des mesures urgentes. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un chapeau, monsieur. Ah, mais je veux savoir. Angèle. Oh, monsieur, monsieur. Angèle. Monsieur, c'est pour un homme de votre valeur une curiosité enfantine. Oh, fichez-moi la paix. Hein. Non, monsieur. Angèle. Pas par ici, monsieur. Pourquoi? Mais parce qu'il y a mes ouvriers avec des tentures, des sparteries, des échelles, des cordons de tirage, des pitons. Qu'est-ce que je sais, moi? Oh, c'est insupportable. Angèle. Sauvé. Angèle! Monsieur, Angèle! Monsieur! Un Non, monsieur, Pensez à autre chose. Raisonnez. Mais non, mais monsieur, vous allez vous laisser aller aux pires extrémités, voyons. Ouais. Non, mais non, qu'est-ce que vous avez vu? Quoi, comment est-ce que j'ai vu? Mais vous avez vu un homme dans le lit de votre maîtresse, vous n'avez pas vu autre chose? Mais non, mais ça veut rien dire. Comment ça veut rien dire? Mais non, mais remarquez, il y est peut-être plus. Oh non, il y était. Mais qu'est-ce que ça prouve, voyons? Il y avait une moyen d'expliquer, voyons. C'est peut-être un parent. C'est peut-être son vieux frère, son jeune père qui, arrivant de la campagne, s'est couché là épuisé de fatigue. C'est peut-être un soldat blessé qu'elle a recueilli, âme d'élite. C'est peut-être un auteur qui vient lui lire une pièce. Et au lieu de songer à ces explications simples, naturelles, évidentes, vous allez tout de suite à la plus compliquée, vous dites, elle me trompe. C'est fou, monsieur, c'est fou. Oh, mais fouchez-moi la paix. Je vous demande pas votre avis. Et je vous prédis guère pire, hein. Et plus vite que ça. Ah, vous non, du tact, de la gentillesse, de la sensibilité, de l'affection. Le nom de cet homme, de ce voyou, je veux savoir. Sa Majesté le Roi de Cerdagne, monsieur Bourdier, mon ami. Sire. Bonjour. Savez-vous ce que Sa Majesté daignait m'exprimer lorsque vous êtes arrivé? Sa Majesté m'exprimait le désir de faire votre connaissance. Sire! Oui, j'ai plaisir. Que pourrais-je donc faire encore, cher Bourdier, pour vous être agréable? Sire! Dans sa bienveillance, Sa Majesté songe à vous faire le grand honneur de vous autoriser à lui offrir une chasse et une fête dans votre château de Gourville. Sire. Bien plus, Sa Majesté ne disposant que d'une seule journée, en dehors des réceptions officielles, vous consacre celle de dimanche prochain, qu'elle devait, comme vous le savez, passer chez le marquis de Chamarande. Oh, oh sire. Ne me remerciez pas, gardez. Au revoir à dimanche. J'aurai plaisir à mettre les pieds chez vous. Ne m'accompagnez pas, je défends. Adieu, cher Bourdier. Sire. Serré seulement. On ne baisse pas la main des rois dans le privé. Ah. Sire, excusez, monsieur Bourdier, il ne sait pas. Non. Il est socialiste. Mais moi aussi. Ici le salon en pierre qui servira de salle de repos et à côté sa chambre à coucher. Et maintenant le programme de la réception. Eh bien, elle a été réglée entre monsieur Bourdier et le comte Zuko, le grand chambellan de Sa Majesté. Le roi qui dîne ce soir à l'hôtel de la Légation à Paris arrivera au château à 11h et il y recevra quelques hauts personnages politiques qui arriveront avant lui, présentation des autorités, réception intime et compliments de bienvenue dit par mademoiselle Suzette Bourdier, compliments dont l'auteur est une femme du monde. Du talent? Non, je dis dont l'auteur est une femme du monde. Je vous demande pardon. Voilà. Ah, j'ai oublié, mademoiselle Thérèse Marnix est arrivée au château depuis ce matin pour faire répéter mademoiselle Bourdier. Mademoiselle Marnix, la géniale artiste. Ah, bon, la géniale, ça, vous savez. Mon cher, c'est le minimum qu'un reporter puisse écrire sur une comédienne s'il ne veut pas se brouiller avec elle. Bien sûr, oui. Puis alors demain, matin, chasse en battue, mais alors à ce sujet, le garde-chef vous donnera tous les renseignements. Très volontiers. Ah, monsieur Rivelot. Mademoiselle. Papa vous prie de faire appeler le chef de la fanfare de Nogent. Bien, mademoiselle. Mmh. Oh, mademoiselle, vous êtes là. Quelle chance inespérée. Le ciel est avec nous. Oh, mais j'y compte bien. Est-ce que vos parents ont pardonné à papa de leur avoir soufflé leur roi? Oh, ça a été terrible. Quand papa a reçu la lettre par laquelle Sa Majesté se décommandait, il est devenu rouge brique et il a voulu télégraphier au Mans pour commander 2000 poulets vivants. Pourquoi faire? Pour lâcher demain dans vos battues. Oh! Alors je me suis traîné à ses pieds. Je lui ai dit, papa, vous ne lâcherez pas les 2000 poulets vivants. Et à ce moment-là est arrivée l'invitation que M. Bourdier nous adressait. Alors il s'est écrié, ah, il veut me vexer en m'invitant. Eh bien, je le vexerai bien davantage, j'irai. Bravo. Oh, mais oh, quand je pense qu'il aurait pu refuser et qu'alors je ne vous aurais pas vu ce soir et que... Mais puisqu'il accepte. Ah oui. Alors tout ce que je viens de vous dire n'existe pas. Ça n'existe pas. Chut, papa. Oh, ma fille, déjà prête? Très bien, ta robe. Très dans le temps. Bonjour, jeune homme. Eh bien, que dites-vous de nos préparatifs? Oh, ça n'existe pas. Au revoir, monsieur. Je veux dire, il est gentil, ton flirt. Oh oui, il est très gentil. Ah, j'y pense. Oui. Mademoiselle Marnix t'offre de répéter une dernière fois avec elle. Ah oui, je veux bien. Où ça? Dans le boudoir. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Monsieur le président de votre comité électoral fait demander s'il peut assister à la soirée en jaquette. Il est fou? Il dit qu'il n'a pas d'habit. Ça veut être socialiste et ça n'a pas d'habit. Qu'il reste chez lui. Vous savez, c'est qu'on grogne déjà beaucoup dans le parti. On juge sévèrement cette visite royale chez vous, hein. Et quels sont les idiots qui disent ça? Vos amis. Ça ne m'étonne pas. Vous leur répondrez que si je reçois un roi, c'est que je n'ai pas de préjugés, moi. Je ne demande pas à mes invités le métier qu'ils font. Bien sûr. Et puis quoi, les rois, il en faut, hein. S'il n'y avait pas de roi, il n'y aurait pas de révolution. Et s'il n'y avait pas de révolution, il n'y aurait pas de république. Ah oui, s'il n'y avait pas de république, il n'y aurait pas de socialiste. Et s'il n'y avait pas de socialiste, je serais monarchiste. Alors voyez où nous allons. Ah oui, très loin, en effet. Ah, j'ai oublié de vous dire, la compagnie des sapeurs-pompiers vient d'arriver. Oh, veillez à ce qu'ils ne fument pas. Quand ils sont venus pour le 14 juillet, ils ont fichu le feu et se sont sauvés ensuite. D'ailleurs, je vais parler à leur capitaine. Bien, j'y pense. Vous êtes-vous préoccupé du départ de Mademoiselle Marnix? Non, je pensais qu'elle assistait à la soirée. Oh, non, jamais de la vie. Elle nous quitte avant l'arrivée des invités. Bien. Non, je compte sur vous, mon petit vieux, pour presser ce départ. Bien. Mais du tact, n'est-ce pas? Du tact. Posez ça par terre. Et doucement, hein, comme du feuilleté. Bon. Allez dire à Mademoiselle Marnix que je désire lui parler tout de suite. On dirait qu'on tire une petite voiture. Dire que j'en ai cousu de ces machins-là dans le temps. Eh ben vrai, c'était plus amusant à faire qu'à porter, hein. Oh, la traîne. Vous m'avez fait demander, chère madame. Oui, dites-moi, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est ça? Enfin, comment me trouvez-vous attelée? Vous êtes délicieuse. Bon, eh ben c'est pas tout, hein. Il faut vous dire que je suis sur des œufs. La présentation au monarque, la soirée, enfin, tout ce monde solennel. Enfin, je vous le cache pas, j'ai peur de me faire cueillir. Quelle idée! Vous verrez, le roi est très simple, très bon enfant. Il vous mettra à l'aise. Ah, ben ça, j'espère bien qu'il laissera son sceptre dans le porte-parapluie. Enfin, n'importe, j'ai le trac. D'abord, ses révérences, hein? C'est bien trois, n'est-ce pas? Oui, trois, oui. En plongeant. Ah, eh ben alors montrez-moi, vite. Voilà. Oui. Très souple. Oui. Il faut de la déférence dans les jarrets et de la dignité dans le buste. Ah oui, je vois. Trois fromages, hein. La jambe. La jambe, oui, ça, j'allais le dire. La jambe, attendez. Là. Pas hein? Mal. Oui, trois, deux, là. Dites donc, ça, c'est un rien. Non, c'est la robe, la dignité hier. Oui, c'est ça, mais il manque encore de la déférence dans les jarrets. Enfin, n'importe, dites-moi. Oui. Une fois passé, là, le machin délicat de la première impression, quelle attitude faudra-t-il prendre? D'abord, il ne faut jamais interroger Sa Majesté. Ah. On doit se modeler sur elle, ne faire que ce qu'elle fait. Se lever quand elle se lève, oui. S'asseoir quand elle s'assied. Se moucher quand elle se mouche. Non, les rois ne se mouchent jamais. Non? Oh, c'est dégoûtant, ça. Et dites-moi, pour le parler, comment? Oui, enfin, la conversation. Oui, justement. Il faut éviter la politique, la diplomatie, les affaires, la littérature, les femmes et les potins. Oui. Et qu'est-ce qui reste alors, la botanique? Mais non, il reste la politesse. C'est-à-dire toutes les phrases qui ne signifient rien. Ah, alors, échantillon aimant l'une. Eh bien, après la présentation au roi, vous lui direz par exemple, « Sire, la présence de votre majesté est pour cette maison un impérissable bonheur. Dans quelques jours, lorsqu'elle sera rentrée dans Stéphanople, sa capitale, son souvenir restera gravé dans le cœur de ceux dont elle a daigné accepter pour un jour la modeste hospitalité. Voilà. Vous voyez que rien n'est plus simple. Que vous dites? Et alors ça vous vient comme ça, vous, en valsant? Vrai, alors ce que je vous envie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas à dire, madame, une distinction comme la vôtre, c'est un Chopin. Et vous n'avez plus rien à me demander? Non, je crois pas, non. Alors, voilà. Je dois prendre congé de vous, car voici l'heure de mon départ. Comment, vous restez pas pour la soirée? Non. Mais je veux pas que vous partiez. Je suis obligée, chère madame. Non, j'aurais peut-être encore besoin de vous. Venez. Non, ça, il faut absolument que vous restiez. Tiens, voilà mon mari, justement. N'est-ce pas que vous seriez très mécontent que madame Marnix nous quitte? J'en étais sûre, vous voyez. Moi, je le veux, mon mari le veut, hein. Sans compter que le roi sera enchanté de faire votre connaissance. N'est-ce pas, Émile? Sans doute, évidemment. Voilà, monsieur Bourdier se fera une joie de vous présenter à lui. Hein? Oui, évidemment, sans doute. Vous insistez si gentiment, cher monsieur, que j'aurai mauvaise grâce à refuser. Voilà, et bien c'est pour tout, il faut aller vous habiller. J'y vais. Pas correct. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Les voitures arrivent. Oh, déjà, mon Dieu. Et 9h30 sont les classes moyennes des gens exacts. Pas de savoir-vivre. Où faut-il se mettre? À l'entrée, là. Et de la tenue. Ne frétille pas, toi. Je t'en supplie, ne frétille pas. Dis donc, je sais ce que c'est que d'être comme il faut, hein. Et puis tu m'embêtes. Allez, écoutez-moi, toutes les deux. Tâchez de proportionner votre accueil et vos sourires à la condition de nos invités. Et l'égalité, papa. L'égalité, c'est pas fait pour les soirées. Ah oui, mais comment savoir? Eh bien, hein? Graduons, si vous voulez, l'amabilité de 1 à 20. Oui. À mesure que nos invités arriveront, je vous enverrai un chiffre et vous vous baserez là-dessus. Je comprends pas. Mais si, voyons, 1, ce sera bonjour. 20, ce sera bonjour. Ah, voilà. Monsieur Pingo, conseiller général, et madame Pingo. Bonjour. Pingo, 3. Monsieur le conservateur des forêts, messieurs les gardes généraux. 4. Bonjour. Nous sommes très honorés. Monsieur le marquis et madame la marquise de Chamarandes. Monsieur le comte Cernin de Chamarandes. 142. Suzette, madame la marquise, monsieur le marquis. Oh, marquise, c'est vraiment chic d'être venue malgré toutes ces bisbilles. Ne parlons pas de ça. Ah non, très chic, ça, vraiment, vous n'êtes pas dur. Hein. Monsieur le marquis, je ne saurais vous dire à quel point je suis heureux de vous voir ce soir assister à cette fête. Je suis moi-même très heureux de vous y voir convié. Pardon, mais je suis chez moi. Ah, pas le moins du monde. Mais vous n'ignorez pas que lorsqu'un souverain entre dans une maison, il y est chez lui. Je suis chez le roi, vous êtes chez le roi, nous sommes chez le roi. Enchanté de vous y rencontrer, un peu surpris, mais enchanté. C'est admirable. Il trouve toujours le moyen de me dire une insolence. Ce que c'est tout de même que l'éducation. J'ai remarqué que vous aviez fait gratter les statues du parc. Avouez que je ne pouvais moins faire. Bravo, monsieur Jourdain. Oh, pardon, je me suis trompé de nom. Mais l'erreur est bien excusable, vous avez si peu changé depuis le 17e siècle. Je ne comprends pas. Voulez-vous que je vous explique? Je le désire. Hier, vous étiez le bourgeois gentilhomme. Aujourd'hui, vous êtes le bourgeois socialiste. C'est la même chose. L'épithète change, mais le caractère reste. Riche, ambitieux, piqué de l'envie de se hausser dans le monde. Monsieur Jourdain courtisait la noblesse, monsieur Bourdier courtise le peuple. C'est toujours courtiser le pouvoir. Vous me permettrez de vous dire, monsieur le marquis, que ce ton... Et parbleu, monsieur Bourdier, de quoi vous plaignez-vous? Vous n'aviez pas d'aïeux, je vous en donne. Grand merci, monsieur le marquis. Mais cela me fait songer au vôtre. Que peuvent-ils bien penser de vous? Car enfin, vous me méprisez, et pourtant vous venez chez moi. Vous êtes antisémite, mais vous ne manquez ni une chasse du comte Isaac, ni un dîner du baron Moïse. Vous êtes nationaliste, mais tous les vôtres s'efforcent d'épouser des milliardaires exotiques. Vous êtes très catholique, mais vous n'êtes pas chrétien. Ma foi, plus j'y réfléchis, plus il me semble que vos aïeux doivent faire, s'ils vous voient, une bien drôle de tête. Parbleu, monsieur Bourdier. Dans le fond, c'est excellent ce que vous venez de dire là. Voyez-vous, nous sommes tous les deux de très braves gens, mais nous vivons à une sale époque. Allons, votre main, Bourdier. La voilà, monsieur le marquis. Par ma foi, oui, nous sommes une paire de polichinelles. Monsieur le général, commandant le 7e corps d'armée. 16. Et madame de Castelfréjol. Très honoré, mon général. Mon cher député. Général, j'aime l'armée. Je l'aime passionnément. J'ai même failli faire mon service militaire. Bravo, monsieur le député. Monsieur le président du comité socialiste de Seine-et-Eure. 0. Quelle monte. Monsieur le préfet, messieurs les sous-préfets et madame la sous-préfète. Mon cher député, le roi chez vous, quel honneur. Eh oui, le roi chez moi. Quelle victoire pour le prolétariat. Charmante soirée. Si. Oh, zut, j'allais le dire. Monseigneur l'évêque d'Évreux. 20. Oh, mon Dieu. Monseigneur, très fier, très flatté. Et je peux bien vous le dire, je craignais de ne pas vous voir chez moi. Pourquoi donc, mon cher fils? Nous ne sommes séparés que par vos opinions. Vous voyez que ce n'est pas grand-chose. Vous êtes trop aimable. Elles ne peuvent me faire oublier tous les biens que mesdames Bourdier font à nos bonnes œuvres, ni que madame, votre mère, était une sainte mater amabilis. Oui, ma mère... Ni surtout que votre sœur est religieuse. Oui. Ça y est, on est béni. Excellent homme et une sacrée mémoire. Messieurs les sénateurs, messieurs les députés de Seine-et-Eure. 12 pour le nom. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Monsieur le président du Conseil, monsieur le ministre des Affaires étrangères, monsieur le ministre du Commerce et des Postes. Le ministre combien? Un débutant. Nous sommes en avance. Ma voiture nous a amenés de Paris à un train d'enfer. Tout le temps à une vitesse interdite, la seule que j'aime. Permettez-moi, chère madame, au nom du gouvernement, de vous remercier de votre accueil. si la République était toujours servie avec autant de grâce que la vôtre, il n'y aurait plus d'opposition. Oh, c'est... Où est la buvette? Oh, Suzette, le buffet. Par ici, monsieur le ministre, je vais vous conduire. Monsieur le comte Zucco, conseiller intime de sa majesté le roi de Cerdagne. Chère petite madame, permettez à un vieux diplomate blanchi sous les poussières de la chancellerie de baiser cette petite main. Où c'est qu'elle est là? Oh, elle est là, la petite main. Monsieur le vieux diplomate. Je précède sa majesté de quelques instants. Tout est prêt pour la recevoir. Pas de nicroches au programme. Non, aucune. Tout est prévu. Il y a même un mouchard dans ce salon, envoyé par la préfecture de police. J'en étais informé il y a quelques instants. Je me demande bien pourquoi, d'ailleurs. Et je voulais bien savoir lequel c'est. Devrais-je savoir, hein? Rassurez-vous, en un clin d'œil, quick, je l'aurai démasqué. Merci. Oh, belle chambrée. N'est-ce pas? Que d'uniforme. Oui, ça fait bien. Et heureusement, cher ami, que votre parti n'a pas encore songé à supprimer l'armée. Oh, nous supprimerons peut-être l'armée, mais nous garderons les uniformes. Mon cher ministre. Oh, mon cher comte. Monsieur le Lorrain, président du conseil. Monsieur le conseiller, comte de Zucco. N'est-ce point vous, monsieur le conseiller, qui représentiez la Cerdagne au congrès de la paix à La Haye? Oui, j'y suis resté 6 mois, toute la durée du congrès. Je dois vous dire, monsieur le ministre, que jamais assemblée de gens de toutes les nations s'est autant embêtée. Oh, hein? Pas de distraction, pas de théâtre, pas de spectacle, pas de femmes, puisque chacun était venu avec la sienne. Au bout de 6 mois, ça n'était qu'un cri dans toute l'assemblée. La guerre, plutôt la guerre, que s'embêter encore une semaine comme ça. Attendez, je vais vous donner un exemple frappant. Mais qu'est-ce qu'il a? Bon, l'automobile du roi est signalée. Votre allocution est prête? Je l'ai là. Oh, c'est lui. Mise négligée, fausse barbe, c'est sûrement lui. Approche un peu, toi. Qu'est-ce qu'il dit? Dis donc, crois t'arranger un peu mieux que ça la prochaine fois, hein? C'est pas parce qu'on est de la police qu'il faut se faire une tête de galapia. Mais du silence! On n'entre pas dans le salon avec une gueule de marchand de marron. Compris? Oh, il m'agace, celui-là. Il m'agace. Le roi! Bonjour. Vous allez bien depuis la dernière fois? Désormais, présentez-moi donc votre femme. Madame Bourdier. Êtes-vous, madame, en bonne santé? Ben, sire, je me défends. Charmante, cher Bourdier, combien charmante. À moi la phrase. Sire, votre présence dans cette maison est pour votre majesté un impérissable honneur. Oh, il me trouble. Lorsque votre majesté sera rentrée dans sa capitale et puis j'ai pas besoin de vous dire le nom, hein, votre majesté le sait bien. Oh, enfin, lorsqu'elle y sera rentrée, son souvenir restera gravé dans son cœur. Voilà, ben c'est tout. Ne soyez pas rougissante, chère et digne madame, je suis moi-même très timide. Je ne veux ici aucun cérémonial. Aucun troulala. Oh, alors? Je vous complimente, cher Bourdier. Votre femme est énormément gentille. Oh, il est rudement bien. Et j'observe que voici sans doute votre sœur. Non, sire. Mademoiselle Suzette Bourdier, fille de mon premier lit. Ah, vous êtes vierge, mademoiselle. Je vous envie. Oh, sire, ce n'est pas une carrière, hein? Je vous complimente, cher Bourdier. Elle est énormément suave, cet enfant de votre première couche. Oh, sire! Eh, me voici, monsieur le président du conseil, essentiellement enchanté. Sire, je ne puis résister au désir spontané d'exprimer à votre majesté les sentiments dont nous sommes animés. Sa visite dans ce château ne peut que resserrer les liens unissant la France et la Cerdagne et la France. L'écho de la sympathie qui vous y accueille retentira dans nos deux pays, en France comme en Cerdagne comme en France. Monsieur le président du conseil, je ne puis résister au désir spontané de vous exprimer les sentiments dont je suis animé. Ma visite dans ce château ne peut que resserrer les liens qui unissent la Cerdagne et la France et la Cerdagne. L'écho de la sympathie qui m'y accueille retentira dans nos deux pays, en France comme en Cerdagne comme en France. Mais ils ont dit la même chose, monsieur le marquis. C'est le protocole, mademoiselle. Rien ne ressemble plus à la conversation de deux enfants de 4 ans que celle de deux chefs d'État. Monsieur le Président, vous recevrez demain les insignes de l'ordre de Saint-Stéphane. Cet ordre vous donne le droit d'entrer à cheval dans toutes les églises de la chrétienté. Si j'avais su, j'aurais pas voté la séparation. Mais c'est 176 francs plus les frais de chancellerie. Quoi? C'est le prix. Cher marquis, j'espère que vous n'avez pas de bill contre moi. Oh, sire, je sais que des obligations d'ordre politique ont obligé votre majesté à modifier ses projets. J'ai un regret tacite, surtout en mémoire de votre regretté père, ce cher ambassadeur. Lorsque j'étais un ravissant bébé, je le rencontrais dans les jardins du palais. Il me faisait des pâtés de sable. C'était un homme, en vérité, supérieur. Ainsi donc, vous pardonnez. Oh, sire, l'amitié que me témoigne votre majesté ne laisse place en moi qu'à la reconnaissance. Vous êtes un cher marquis. Sire, mademoiselle Bourdier attend le bon plaisir de votre majesté pour lui lire quelques vers de bienvenue. Ah, bon, alors j'écoute. Les vers sont une chose qu'il convient d'avoir entendue le plus vite possible. Prenons place. Prenons place. Oh, qu'est-ce qu'on prend? Sire! Sire! Nous vous prions respectueusement, au vous en qui l'indulgence est féconde, d'agréer éloquemment ce compliment, dont l'auteur est une femme du monde. Quand on sut dans cette vallée pleine de pinsons et d'appâts qu'une tête couronnée venait vers nous à grands pas, tous les cœurs ouvrirent leurs ailes, célébrant en folle chanson la circonstance officielle et la joie exceptionnelle dont les carillons changent en paradis ce soir notre maison. Bravo! Bravo! Le rossignol, dans son délire, brise soudain les cordes de sa lyre. Les lapins et les papillons, dansant au pied du vieux donjon, murmurent de gais fredons. Les chevreuils et les coccinelles se comptent tout bas la nouvelle. Les cygnes et les clématites échangent des mots sans suite. Les mésanges sont aux anges, les becs figues se prodiguent, les fauvettes font les coquettes dans leurs chambrettes. Et les moineaux se disent d'une manière exquise ah « que ce jour est beau !» Oh. Bravo! Oh, bravo! Bref, aujourd'hui, tout le monde est heureux dans l'arrondissement d'Évreux. Allons, tant mieux! Sire! Ah! Sire, que votre majesté daigne soudain agréer à la ronde ce compliment plein de naïveté dont l'auteur est une femme du monde. Est-ce donc fini? Oui, sire. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Que de louanges, cher Bourdier. Et vous aussi, chère et digne madame, ainsi que la jeune vierge. Vous avez, mademoiselle, proféré cette poésie en vers d'une façon terriblement littéraire. Oh, votre majesté me comble. Pardon, le roi voudra sans doute exprimer sa satisfaction à l'artiste qui a donné des conseils à mademoiselle Bourdier. Présentez-moi cette personne, j'aurai plaisir. Oui, majesté, pardon, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi pas, s'il vous plaît. Je vous présente, majesté, une de nos artistes les plus aimées, mademoiselle Thérèse Marnix. Je suis en liesse, mademoiselle, de faire votre connaissance. Sire, je suis pénétrée de gratitude. Je n'espérais pas avoir jamais l'honneur d'approcher si près de votre majesté. Sans doute, sans doute. Quel beau temps il fait, n'est-ce pas, ce soir? Oui, sire, quel beau temps. Pourvu que ça dure. Pourvu. Je souhaiterais, mademoiselle, vous voir en tournée sur les scènes de mon pays. Nos pièces en Cerdagne sont pauvres d'intérêt. Elles manquent de situations inattendues. Et cependant, sire, il y en a. Sans doute, sans doute. Essentiellement enchanté de vous avoir connu. Sire, Votre Majesté veut-elle me permettre de lui présenter l'un des plus hauts dignitaires de l'État qui vient d'arriver? Introduisez. Monsieur le Président du Sénat. Hein? Oh! C'est vous le Président du Sénat? Sire. C'est vous le Président du Sénat? Mais oui, sire. Eh bien, je ne suis pas fâché de faire votre connaissance, Monsieur le Président du Sénat. C'est une chose curieuse, inexprimable. Chaque fois qu'on me présente un roi, il pouffe de rire. C'est une chose curieuse et inexprimable. Je vous congratule, chère madame, sur l'ensemble de cette soirée sans importance. Elle est à la fois grandiose, rigolo et vénérable. Oh, si on n'en jetait plus. Ah ben, votre Majesté est bien bonne. L'essentiel, n'est-ce pas, c'est que ça se tire. Vous avez raison. Et ça se tire d'une manière idéale. Mais nous ne devons pas oublier que demain, nous chassons de grand matin. Aussi, j'aurai plaisir que tout le monde veuille bien désormais aller se coucher le plus vite possible. Je suis moi-même sur mes dents. Il ne me reste qu'à demander à votre Majesté à quelle heure elle désire commencer les battues. Eh bien, donc, à 9h. Bonsoir, messieurs. Et vous aussi, mesdames, bonsoir. Pardon, votre Majesté n'a pas d'ordre spécial à me donner. Aucun. Votre Majesté ne désire pas s'entretenir avec des hauts personnages de la politique. Non, assez de politique. Au cas où votre Majesté se raviserait, le président du Sénat est logé dans le grand corridor au numéro 16. N'importe. Juste en face de la chambre de madame Thérèse Marnix. Ah, très bien. À demain, messieurs. Allez, allez coucher, c'est fini. Allez-vous-en, merci. Allez-vous-en. Allez, allez. Tout se passe bien, il n'y a que ce diable de traité de commerce qui n'avance pas. Ben, je pensais en toucher un mot au roi, on verra ça demain, allons dormir. Ben, il faudrait absolument qu'il le signe. Oui, l'intérêt de la France. Mais oui, c'est ça, c'est ça, allons dormir, allons dormir. Cher ami. Eh bien, tu ne demandes pas? Oh non, dis donc, j'ai rien appris depuis ce matin, j'ai une faim, moi j'en tombe. Oh, moi c'est le sommeil, oh. Cette soirée d'apothéose m'a brisé. Oh, dis donc. Bonsoir. Bonsoir. Fais-toi servir. Oh, tu causes, hein. Ah, dites donc, apportez-moi donc quelque chose du buffet. Mais madame, c'est qu'il ne reste plus rien au buffet. Comment? Absolument rien. Quand les fonctionnaires passent quelque part, madame, ils ne laissent rien derrière eux. Oh, ben dites donc, vous les connaissez, les fonctionnaires, hein. Madame, ah. Je l'ai été. Oh, oh pardon. Enfin, dites-toi, trouvez-moi la moindre des choses, là, et puis vite, hein. Oh, ah. Monsieur le Président du Sénat, dans le grand corridor, en face le numéro 16. Oh! Ah! Oh, zut, je le croyais pieuté. C'est moi? Moi aussi. Moi-même? Enfin, voilà une rencontre, hein? Ah oui, ça c'est comme vous dites, une rencontre. Que faites-vous donc là? Hein? Excusez ma sonorité, mais sachant si mal votre langue, je crains toujours de parler à des sourds. Je dois vous dire que je suis sorti de chez moi parce qu'il y a le feu dans ma chambre. Quoi? Non, je veux dire qu'il y a dans la cheminée de ma chambre du feu. Alors j'étais tout bouillant. Et n'ayant pas envie de faire sommeil, j'ai eu la velléité d'aller causer politique avec le président du Sénat en fumant cigarette. Ah, oh ben je vous en prie, si, en fait comme chez vous. Puis-je vous offrir? Je vous dis merci. Je suis brûlée. Par ma cause. Oh, absolvez-moi, absolvez-moi. Oh, je vous absolve. Cela vous fait-il du mal? Un peu. Oh, pauvre, chère et digne madame, prêtez la petite main. C'est guéri. Je vous dis bonsoir. Ah, bonsoir, sire. Non, gardez. À cette heure-ci, les révérences, elles sont couchées. Très bonne nuit. Qu'est-ce que c'est? Ah ben, c'est ce que j'attendais, justement. Madame, voilà tout ce que j'ai pu trouver. Bon, bah, posez ça là. Est-il donc vrai que vous allez souper? Oh, mais non, sire, dîner. Comment? Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? Votre arrivée, l'émotion, là, tout se fourbit. J'ai rien appris depuis ce matin. Vous ai-je à ce point dérangé? Oh, vous êtes bête. Oh, pardon. Non, votre majesté est bête. Oh, zut, alors. Enfin, je voulais dire, Ça a été avec grand plaisir. Gardez, gardez, je vous dis merci. Et prenez place sans trembler. Oh, ça, vous êtes vraiment gentil. Et vous, vous êtes énormément. Je suis unanime à le constater. Hébergez-vous. Oui, si. Non, gardez, gardez. Oh, ce sera pas long, allez. Attaquez donc ces modestes denrées. Par Saint Chrysostome, de vous voir ainsi vous alimenter avec séduction, cela me donne appétit. Non. Oh, j'en fais serment. Je dois vous avouer que j'ai moi-même dîné à ma légation. Pour me faire honneur, on n'a servi que de la cuisine de mon pays. Et je ne peux pas la digérer, la cuisine de mon pays. Elle ne passe pas. Hein? Si bien que, sincèrement, j'ai l'estomac dans les pieds. Ah Ça me fait penser que je n'ai pas demandé ce que votre majesté prenait pour son petit déjeuner. Ouf. La moindre des choses. Quelques viandes rouges, un pâté et une bouteille de whisky. Ah, oh, ben et avec ça? Eh bien, avec ça, si vous voulez, du fromage, des fruits et quelques gâteaux de semoule. Cela suffira. Je n'ai pas l'appétit de mon auguste grand-père. Eh ben? C'était un géant. Au temps de la guerre contre les Turcs, il paria de manger un sanglier entier et de violer trois vierges dans la même journée. Mais il était écœurant, votre grand-père Auguste. Silence, petite Française! Mon auguste grand-père était un saint! Attablons-nous. Je veux bien, mais vous me faites un peu peur maintenant. Hé, hey, dites donc! Vous n'avez rien parié, vous, au moins! Ah. Qu'est-ce que vous avez? Je souris. Ah. Répartissons. Il y a deux assiettes. Ah oui, mais il n'y a qu'un verre, hein? Ah oui, mais il y a un grand et un petit. Je prends le grand, c'est juste, et je vous sers. Oh, sire. Non, gardez, gardez. Là. Merci. Et je vous dis merci. Eh ben, écoutez, sire, je suis une femme qui ne s'épate pas sur les couchers de soleil. Mais alors, si nous voyions comme ça déjeuner sur l'herbe, qu'est-ce qu'il dirait? Qui donc? Ben les peuples, l'Europe, là, vos confrères. Mes confrères? Oui, enfin, les autres tyrans. Ai-je donc l'air d'un tyran? Oh, ça non, vous êtes vraiment bon garçon. Enfin, je veux dire, votre majesté est vraiment bonne fille. En vrai, ça, je me la figurais pas comme ça. Et comment donc vous la figuriez-vous donc? Je sais pas, moi, je vous voyais avec un grand machin à traîne d'hermine, là, puis sur la tête, la chose, vous savez, avec des diamants. Et puis à la main, le truc en or. Le truc? Ah, puis pas du tout. Hein. Vous n'avez ni la chose, ni le truc, ni le machin. Mais non. Sachez, pauvre petite dame, que ce n'est plus rien du tout aujourd'hui que d'être au roi. Pensez-vous que c'est une carrière que l'on choisirait? On la prend parce que c'était celle de votre père, parce qu'il y a un trône dans la famille. On devient souverain comme on devient notaire, et cela est aussi peu gai. Oh oui, mais quand même, sire, hein, vous êtes tout puissant. Oui, j'ai cru aussi. Je pensais être plus que les autres hommes. Et puis un jour, j'ai perdu cette idée en mangeant du chocolat. Hein? Oui, une de ces papillotes que l'on fait à Paris. Vous savez, elles sont enveloppées dans un petit papier où il y a une maxime choisie par le sucrier. Quoi? Non, enfin, le confiseur. Oh. Un jour, une dame de ma cour m'a offert un de ces bonbons et j'y lus une pensée d'un de vos écrivains. Montaigne. Vous connaissez Montaigne? Je connais la rue. C'est déjà quelque chose. Or, cette phrase disait à peu près ceci. Si haut que soit un trône, les rois n'y sont jamais assis que sur leur derrière. Cela m'illumina. Et depuis, je n'ai jamais pu penser sans une grande modestie ni à mon trône, ni à cette autre chose que dit votre écrivain. Aussi, je ne suis pas fier d'être roi. Mais je suis fier d'être votre ami. Mon ami? Oh. Votre ami Jean. Mon ami Jean? Oh. Oh, c'est gentil, ça. Vous aimez ce nom? Oh oui. Oh oui, Jean, c'est franc, c'est affectueux, c'est... Mais écoute, dites-moi, les souverains, ils n'ont pas de nom de famille? Mais si! Ah, oh, eh bien, ça se sait pas, hein. On vous connaît jamais que par votre nom et puis par votre numéro. Que vous êtes inattendu. Et quel est à vous votre petit nom? Moi, Marthe, alors, n'est-ce pas? On m'appelle Youyou. Ah, Youyou. J'aime Youyou. Youyou me délecte. Cela est juste. Vous êtes tout à fait Youyou. Ce nom me met à l'aise. Il me semble que depuis longtemps, il y a quelque chose entre nous. Ben, vous tombez à pic, s'il y a quelque chose. Ah oui, coudon. Oh, cherchez pas, allez. Expliquez. J'ose pas, hein. Oh, allez, donnez-moi encore un peu de champagne. Oui. Je vous dis... Merci. Eh ben voilà. Vous êtes bienvenue à Paris, il y a 8 ou 9 ans. Oui. Hein? Vous vous êtes appuyé le circuit officiel, Opéra Madeleine Bastille. Et puis vous êtes passé avec l'escorte, hein? Rue de la Paix. Rue de la Paix, oui. Bon, alors, tout le monde vous jetait des fleurs. Oh oui, je me souviens. Et puis, vous souvenez-vous que parmi les bouquets, il y a une petite femme qui vous jeta sur le profil. Ah oui, cette sorte de gâteau que l'on nomme chausson. Oh, sire, je vous demande pardon. Pourquoi? Parce que le chausson, c'était moi. Non. Bah si. Qu'est-ce que vous voulez, sire? L'admiration, le respect, enfin, l'émotion. Je vous ai envoyé mon dessert. Peut-être votre majesté n'aime pas le chausson aux pommes. Si, mais pas dans l'œil. Oh, mon Dieu, ça vous a fait mal? Beaucoup. Beaucoup. Poché. Poché, montrez-moi l'endroit. Là. Là. Ah! Oh, c'est guéri. Oh, you. You. Ce baiser que vous m'avez flanqué me cause un trouble, une félicité. Une révolution. Je suis un roi en révolution. Ah, you, petite you. Oh là là, oh non, oh, j'ai chaud. Mm. La fenêtre, vous voulez voir la fenêtre? La fenêtre, oui. Mais oui, je veux. Oh. Oh, écoutez, sire, l'alouette. Non, ce n'est pas l'alouette. Ah, non, ce sont d'autres volatiles complices de l'amour. Ah, ce qui chante bien. On voit qu'à cette heure-ci, ils chantent pour eux. Mais, avouez-moi, nous passons la nuit ensemble. C'est vrai. Mais il faudra pas le dire, on est si méchants. Bah, cette heure-ci, la méchanceté, elle dort. C'est vrai. Elle se réveille qu'avec les gens. Uh-huh. Allez, sire, faut se quitter. Oh non, pas déjà. Non, pas avant que je vous ai dit. Pourquoi? Je n'ose pas, je crains d'être goujat. Je parle si mal votre français. Si seulement je pouvais vous parler dans la langue de mon pays, mais vous ne comprendrez pas. Oh, bah, ça fait rien. Oh, you. Saruda, Martavich, ah. Potetivora. Ah, c'est gentil, ça. Potetivora, Tunasif, Vuskalish, Mistinieris Paris. Ah non, alors là, vous allez un peu loin. Non, you. Oh. You, Jolo. Ah, comme c'est vrai, ça. Non, you. Ah, comme vous connaissez le cœur des femmes, vous. Oh, Jean. Quoi? Jean. Quoi? Oh, chut. On vient. Allez, il faut se quitter. Quittons-nous. Oh, oui, quittons-nous, mais par où vous quittez? Quittons-nous par ici. Par ici? Oh non. Oh non, pas par ici. Pas par ici, bon. Non. Alors, quittons-nous par là. Quittons-nous dans le boudoir. Quoi? Dans le boudoir empire? Carinche. Oh, j'ai la fête. Oh, que j'aime la France. C'est terre dans une demi-heure, les gardes auront un point. Mais cette fois-ci, il ne faut pas qu'ils me reconnaissent. Prêtez-moi 25 louis, monsieur. Je ne vous connais pas, monsieur. Personne, parbleu, il est chez Thérèse. Ah, monsieur le conseiller, sa majesté a bien dormi. Oui, de façon très parisienne. Comment? Il n'est pas là, il a passé la nuit chez madame Thérèse Marnix. Chez madame Marnix? Oui. Ah non. Non. Mais je vous assure. Ben, moi, je vous assure du contraire. Pourquoi? Parce que j'ai une bonne raison d'être sûr que le roi n'a pas passé la nuit là où vous dites. Laquelle? La meilleure. Ah, mon cher président. Ah, mon cher ami. Ça va bien? Je vous ai apporté le traité de commerce. Moi, frais comme une rose. Ma tenue réussie, non? Vous m'appelez Guillaume Tell. Oh, mon cher, ne vous vantez pas tout le temps de vos relations. 7h30, ça commence à devenir inquiétant. Ah oui? Voilà. À l'absence du roi, il n'est pas rentré dans son appartement qu'il a quitté à minuit. Diable. Donc. Où peut-il être? Ah oui, où? Vous répondez. Ah, attendez, moi, je déduis. Il y a ici deux chambres qui ont pu intéresser Sa Majesté. Quand ce n'est pas celle de madame Marnix, ça ne peut être que celle de... Le mari. Oh, messieurs, que vous êtes matinaux. Monsieur le Président. Cher ami. Mon cher ministre. Ah, monsieur le comte de Gicot. Je venais prendre des nouvelles de Sa Majesté. Elle va bien, très bien. Très bien. Faites quelque chose. Attendez, je vais tout arranger. Oh, Je viens de me rappeler. Mon souverain désire m'entretenir quelques instants. Voulez-vous me laisser la disposition de cette pièce? Mais, cher. Quelques minutes pour t'enfumer. Une cigarette. Voilà, dans le boudoir. Allez dans le boudoir. Sauvé. Allons, Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Là, le roi. Le roi et ma femme. Ils sont sauvés par le jardin. Tu cours. Mais ça se passera pas comme ça. Cher ami, je vous en fume. Ah non, laissez-moi. Mais du monde. En quoi vous imaginez que je vais prendre ça avec le sourire? En chaque fois que j'aurai une femme, il faudra que le roi couche avec. Mais souriez juste arrêter. Une fois passe encore, mais ça devient une régularité effrayante. Et heureusement que je suis un homme de famille et que je n'ai qu'une femme et une maîtresse. Sans ça, ça continuera indéfiniment. Il m'est d'une fidélité. Allons, soyez raisonnable. Mais c'est lui qui n'est pas raisonnable. Ma parole d'honneur, il voudrait m'être personnellement désagréable, il n'agirait pas autrement. Quelle folie! Enfin, je suis sûr que dans tout ceci, il n'a pas pensé une minute à vous. Oh non, hein? Assez. Allons, mon cher Bourdier, du sang-froid, je vous ramener à une saine appréciation de la situation. Quelle est-elle, cette situation? Je suis cocu. Mais enfin, il y a un fait qui domine tout. C'est que je suis cocu. Oh, sacrebleu! Si vous ne le répétiez pas tout le temps, vous l'auriez déjà oublié. Puis c'est insensé de considérer toujours cette chose-là du point de vue personnel, du point de vue égoïste. Il n'y a pas que vous. Ah oui, les gens les plus illustres ont passé par là. Napoléon lui-même. Ah, comment vous le saviez pas? Non. Eh bien, vous voyez, ça ne sait même pas. Et Socrate aussi. Socrate. Vous connaissez le proverbe, sa femme était toujours pleine d'amis. Ben non, c'est sa mère. Oui, parce que. Eh bien, messieurs, cette conversation est absolument inutile. J'attends ce monsieur ici. Et quand il sortira, tout roi qu'il est, je le traiterai comme il le mérite, d'homme à homme. Bravo. Ah. Vous avez bougrement raison. Voilà. Qu'est-ce que vous dites, Corbeau? Je dis ce que je pense. Non, mais vous plaisantez, je suis sûr qu'à la place de Bourdier, vous ne feriez pas tout ce drame. Mais je ne suis pas à sa place. Eh ben, mettez-vous-y, mon vieux. Mais c'est pas possible. Et pourquoi? Mais parce que Mme Corbeau est prévenue. Si jamais elle a une intrigue, je sais bien ce que je ferai. Quoi? Ben, je ne l'épouserai pas. Très bien. Ah non, vous direz ce que vous voudrez. Le roi s'est conduit d'une manière très mal élevée. Parfaitement. C'est scandaleux, inacceptable. Corbeau, votre attitude est ridicule. Merci. Vous êtes un ami. Oui, vous êtes ridicule. Mais tant pis, je me maintiendrai dans cette position. Le fait d'être cocu est un fait grave. Mais non, le fait d'être cocu est un fait anodin. C'est votre avis? Oui, c'est le nôtre. Messieurs, depuis un instant, le ministère a cessé d'être homogène. Ben, je m'en moque. Je n'ai assez de ces intrigues qui remontent à l'ancien régime. Je ne sais pas ce que vous ferez, mais moi, je m'en lave les mains. Vous n'irez pas jusque-là, Corbeau. Mais si, j'en ai assez de tous ces tripatoches. Moi, je suis un pur, un vrai. Allons, mon vieux, calmez-vous. Mais j'en ai assez de faire l'élégant, le dandy, le snob. Vous ferez ce que vous voudrez, mais moi je me sépare résolument de vous. Comment vous êtes intolérable? Mais parce que je suis sincère. Eh ben, quand on est sincère comme ça, on n'accepte pas d'être ministre. Ah, c'est comme ça. Eh bien, je vous colle ma démission. Non. Si. Ah, c'est comme ça. Eh ben, je l'accepte. Non. Si. Ah, c'est comme ça. Eh bien, vous allez voir. Voilà le traité de commerce que vous n'arriverez jamais à faire signer avec mon portefeuille. Là. Vous allez voir la campagne que je vais mener contre vous. Je rentre à Paris consulter mes amis. Vous n'êtes plus ministre, ils seront pas chez eux. Je suis un pur, moi, un vieux démocrate, un républicain de 48. C'est l'année de sa naissance. Ah ben mes compliments, avec toutes vos histoires qui n'intéressent ni la République ni même la France, non seulement nous avons à craindre un scandale diplomatique, mais en plus, une crise ministérielle est ouverte. Que faire? Mais mon cher président, je suis navré de tout ce qui arrive, mais ma décision est irrévocable. Je suis résolu à divorcer et en disant pourquoi. Et pour qu'il n'y ait pas à y revenir, je vais immédiatement écrire à mon avoué. Immédiatement. Eh ben, ça va bien. Oui. Madame. Je vous demande pardon, messieurs. Je suis bien indiscrète, mais je viens de rencontrer M. Corbeau, qui, dans son émotion, n'a rien su me cacher de ce qui venait de se passer. Oh, mon pauvre ami, je suis avec vous de tout cœur. Oh, vous n'avez vraiment pas de chance. Je vous remercie. Pas encore. Oh, parlez-lui, chère madame, parlez-lui. Là où tous les hommes ont échoué, une seule femme peut réussir, a dit monsieur de Talleyrand. Il les connaissait, il avait été évêque. Venez à notre secours. Mon Dieu, messieurs, je vous suis tout acquise, mais je vous avoue que je comprends un peu les sentiments de monsieur Bourdier. Comment? Vous raisonnez en ministre, monsieur le président. Monsieur Bourdier, lui, raisonne simplement en homme. Et c'est bien différent. Ah, s'il était ministre, il considérerait les choses de plus haut, comme vous les considérez vous-même. Il aurait envers un souverain hôte de la France des devoirs. Comme simple particulier, il ne les a pas. N'ai-je pas raison? C'est de là, je vous assure, que provient tout votre malentendu. Et la démission si brutale de Monsieur Corbeau. Par qui comptez-vous le remplacer? Oh, excusez-moi, je me mêle là de choses. Mais non, allez donc. Qui? Bornet accepterait, hein? Monsieur Bornet? C'est un très bon socialiste. Oui, mais sans fortune. Ah, c'est vrai, mais allez-y, dites-nous le fond de votre pensée. Oh, je suis confuse. Enfin, puisque vous l'exigez, je me risque. Il me semble qu'il vous eût fallu un homme important, disposant par sa situation de grosses influences. Et ensuite, oh, c'est un petit côté de la question, mais comme vous êtes presque tous célibataires, il serait bon, je crois, de compléter le gouvernement et plutôt votre cabinet par un homme marié à une jolie femme, sachant recevoir. Et enfin, puisque vous avez voulu me confier que vous poursuiviez des négociations capitales avec la Cerdagne, il faudrait par-dessus tout un homme bien placé pour obtenir des concessions du roi. Un homme qui fut auprès de Sa Majesté, comment dites-vous donc ? Persona grata. C'est cela. Et voilà, messieurs, l'opinion timide d'une femme qui n'entend rien à la politique. Voilà, j'ai écrit à mon avoué. Mon cher député, oui. Les graves circonstances dans lesquelles nous nous trouvons nous ont permis d'apprécier votre valeur et de mesurer l'importance que vous pouvez rendre au pays. Ainsi, j'ai l'honneur de vous offrir le portefeuille du commerce et des postes. À moi ? À vous. Et maintenant, c'est l'ami qui vous parle. Je vous présente toutes mes félicitations. Mais je... J'y joins les miennes et j'en suis sûr, celles de tous mes collègues. Oh, mon ami, laissez-moi partager votre joie, votre fierté. Je suis très ému, très bouleversé. Tous ces événements si rapides et qui n'ont aucun rapport entre eux. Aucun ! Ainsi, nous pouvons compter sur vous ? Eh bien, oui. Par conséquent, les intentions que vous manifestiez tout à l'heure... Oh, évidemment, tout à l'heure. C'était tout à l'heure. Très bien. Mes nouvelles fonctions font de moi un autre homme. Un homme que certaines choses n'atteignent plus. Je reste fidèle à mon devoir. Seulement, mon devoir a changé. Mais en politique, le devoir change tout le temps. Voilà. Alors, mon ami, cette lettre à votre avoué devient inutile. Mais... Ouf, enfin. Et maintenant, mon ami, faites-moi un grand plaisir. Permettez-moi d'annoncer moi-même la bonne nouvelle à votre femme. Soit. Et de lui dire de votre part que tout est oublié. Et j'y consens, oui. Mais faites-lui entendre, cependant, qu'il est peu gentil de sa part de choisir pour commettre cette... inconséquence, le jour où j'entre dans le gouvernement. Non, c'est une nuance, mais je tiens à la lui faire sentir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, Monsieur le Président. Et en même temps, bonjour. Au milieu de tout ce bourbari, j'ai oublié de vous demander si vous aviez passé une bonne nuit. Mais, chère madame, j'allais vous poser la même question. Vous êtes charmante. Vous êtes charmante. À bientôt, messieurs. Je pars dans un instant, car je répète cet après-midi. Quoi donc ? Les caprices de Marianne. Naturellement. Eh bien, tout va très bien. Mon cher ministre, voici votre portefeuille. Il contient le traité de commerce, il n'y manque que la signature du roi. Faites l'impossible pour l'obtenir. Comptez sur moi. Mais nous comptons sur vous, mon cher ministre. Comment, papa ? Toi ? Oui, ma fille. Je suis ministre. Enfin, voilà une réforme. Eh bien, papa, je tiens à te le dire, ça ne te diminue en rien à mes yeux. Vous êtes contente, mademoiselle ? Oh, oui, maintenant, il n'aura plus rien à faire. Il pourra enfin s'occuper de mon mariage. Votre mariage se fera, j'en suis sûr. Soyez tranquille. Ah oui, pourquoi ? Parce que dans le monde du marquis, la main gauche anoblit. Ah. Bon, pas de temps à perdre. Bourdier, rédigez la note pour la vase et vous téléphonez à nos collaborateurs et aux journaux. D'accord. Le roi. Madame. Sire. J'ai une grande joie de vous revoir, mais j'ai aussi un grand chagrin, parce que je pense que demain, je ne verrai plus votre petite chère figure. Qu'est-ce que vous voulez, mon pauvre sire ? Faut se faire une raison, hein. Un sou de bonheur aujourd'hui, c'est deux sous de peine pour demain. Non, moi, j'aurai énormément. Vrai ? Oh, chic, alors. Je serai donc pas toute seule à en avoir. Mais quoi, faut pas se plaindre. Moi qui suis qu'une petite femme... J'ai toujours rêvé d'être aimée comme une reine. Et moi qui ne suis qu'un roi, j'ai toujours rêvé d'être aimée comme un homme. Mais on a eu ça. On a eu. Youyou, je voudrais en partant emporter quelque chose de vous, quelque chose qui est le parfum de Youyou. Tenez, ce gant. Oh, prenez la peur. Je rougis de penser que moi, je ne puis même vous offrir un digne souvenir, un remarquable présent. Mais... qu'est-ce que c'est ? Oh ! J'ai trouvé ! Quoi ? le digne souvenir, le remarquable présent. Connaissez-vous ce papier? Non. C'est le fameux traité de commerce que je voulais ne jamais signer parce qu'il est déplorable pour mon cousin le roi de Moldavie. Mais je pense qu'il rapportera sans doute à la France plusieurs centaines de millions. Eh bien, à cause de Youyou, je les donne. Quoi? Approchez. Prenez ma grosse main dans la petite vôtre et faites-moi signer mon nom. Oh, j'ose pas. Je veux. J-E-A-N. Vous y mettez aussi votre numéro? Non, non, non, non. Pas de numéro. C'est mon cadeau. Et vous voici désormais dans l'histoire. Oh, sire. Oh, ça m'intimide, il y a trop de monde. Je peux pas vous dire merci, hein, ce serait ridicule. Je peux vous donner qu'une chose, une promesse. Oh, mais une vraie, hein. Quelle? Je vous promets que jamais plus je ne tromperai mon mari. Ce sera ma façon à moi de vous être fidèle. Oh, Youyou. Croyez-vous qu'il en a de la veine? Oui, il a. Oh, chut, on vient. Adieu. Adieu. Sire, que votre majesté me permette de lui présenter deux fiancés. Bravo, jeune ministre. Tenez, monsieur le président. Oh. Voilà comme je suis. Monsieur, ce cher Bourdier vous donne un grand exemple. Il vous montre comment, dans votre démocratie, un homme peut, par son exclusif mérite, arriver aux plus hautes charges de l'État. Eh oui, sire. Aujourd'hui, l'État, c'est nous. Gardez, gardez. Ah! En chasse, monsieur!